Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue sur la 6ème émission des podcasts de VR4Player, et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette émission, on a un gros planning, on va présenter tous les jeux qui sont sortis le dernier mois, en fait, le mois qui vient de passer. Et pour m'accompagner, on a le grand plaisir d'inviter l'ami Herbie. Salut Herbie. Salut Sei, salut tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. Bah ça va super et toi? Bah nickel, super, merci les gars de m'avoir invité dans le studio, hein. Je vois la déco est nickel, bon, franchement sympa. Un petit peu de moisissure et tout. Ouais, le sapin d'humidité. De Noël là, pour les fêtes de Noël, c'est bien nickel les gars, franchement vous assurez. Un grand merci de m'inviter dans votre émission. Donc voilà, le responsable de Solus PSVR, hein, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, et aussi l'ami Cilion. Salut Cilion. Et salut, c'est toujours un plaisir de venir autour d'un verre. Eh bah oui, effectivement, mais nous aussi de t'avoir et de t'entendre ta voix suave. Yeah. Salut Cilion. Et on a qui d'autre? Et enfin Sébastien, le petit Sébastien, ça va? Oh, il est pas petit. Bonsoir. Ouais, pourquoi il est petit? Salut, c'est d'avoir une voix suave. Salut. Bonsoir tout le monde. Ça sent la testostérone dans le studio. Et ben on va commencer sans plus attendre par une petite présentation de toi, Herbie. En fait, tu vas pouvoir faire ta star. On a envie d'en savoir plus. Je vais un faire peu ma star, carrément. Carrément. Vas-y, les projecteurs sont sur toi. Tu vas nous dire. Oh là là. Tu ne mets pas la pression déjà. Ouais. Alors, commence par le début. J'aimerais trop savoir comment tu as eu l'idée de devenir YouTuber. Exact. Alors, comment ça s'est passé? Bonjour à tous déjà, merci de m'inviter sur le studio. Comment ça s'est passé pour devenir YouTuber? C'est une longue histoire, hein. J'espère que je vais pas être trop long. Si je suis trop long, hein, tu me coupes ça et tu me préviens. Compte sur moi. Et comment ça s'est passé? En fait, il y a 20 ans maintenant, j'étais testeur de jeux vidéo. Je faisais des solus, pas testeur, je faisais plus des solus pour des magazines de jeux vidéo, tels que la Bible des secrets PlayStation, Nintendo... PC Solus, peut-être que PC Solus vous avez connu, c'est assez vieux quand même. Ouais, c'est vieux. Astuce Mania. Ouais. Et j'ai fait ça pendant 3 ans en fait. Donc faire des Solus, je m'occupais aussi de l'animation. En fait, j'étais animateur télématique, c'est-à-dire que je m'occupais des, à l'époque, des 3615. Je ne sais pas si vous avez connu Minitel, oh là là, mais il existait un vieux ordinateur. C'était le 3615 Activision, par exemple. C'est, je m'occupais de certains éditeurs. Et ils me contactaient, je répondais à leurs messages quand ils étaient bloqués à tel ou tel endroit d'un jeu vidéo pour débloquer une porte, un code secret, etc. pour avoir la solution, quoi. D'accord. Et également par téléphone, les 0800, je sais pas les numéros, mais 08, 36, je sais pas combien, bref. Les 10 pardon. Francs la minute. Voilà, 10 francs la minute. Et j'aidais les joueurs, en fait. J'aidais les joueurs à se débloquer dans le jeu vidéo. Ouais, il n'y avait pas Internet, donc, hein. Il n'y avait pas Internet, ça n'existait pas. Et bah, la boîte a coulé quand Internet a été créé. Du coup, bah, il y avait les solutions sur Internet. Et du coup, les 3615, Minitel et les 08 ont disparu à cause d'Internet. Et j'ai perdu mon emploi à cause de ça. Mais bref, c'est une autre histoire. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Ça avait bien plu, une bonne expérience. Suite à ça, je suis parti faire un autre métier, carrément autre chose. Je suis devenu moniteur de plongée. Pendant à peu près 10 ans, donc j'ai complètement lâché le jeu vidéo. Et quand je suis revenu, donc la PS2, PS3 est passée par là, il y a eu plein de jeux, Uncharted, plein de jeux qu'on retrouve après sur PS4. Et quand je suis revenu en France, on est revenu là depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans en France, et j'ai repris la PlayStation. Du coup, je suis revenu en France, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je fais un petit peu de jeux vidéo puisque c'est vraiment une grosse passion. Donc je me suis acheté la PS4, j'ai redécouvert des jeux qui étaient venus sur PS2, PS3 comme Uncharted, donc j'ai pu refaire, qui était en remasterisé sur PS4. Donc j'ai profité de ces jeux-là pendant 1 an, et 1 an après que j'ai acheté la PS4, la PSVR est sortie, donc direct j'ai acheté parce que c'était une chose que j'attendais depuis très longtemps. J'avais testé le casque virtuel à Poitiers, comment ça s'appelle le centre là-bas? Futuroscope. Le Futuroscope, ouais. J'avais testé ça à 15 ans là-bas et j'avais halluciné. Et j'attendais avec impatience que ça arrive pour le grand public, et c'est venu pratiquement 20 ans plus tard. Mmh. Et quand le PSVR est sorti, j'ai acheté ça. Et ensuite, je me suis dit qu'en fait, quand je joue aux jeux vidéo, j'ai commencé par Wayward Skyd. Je ne sais pas si vous avez connu ce jeu. C'est, jeu de plateforme, c'est un jeu qui est un petit jeu de plateforme. Moi, je suis fan de jeux de plateforme qui est sorti il y a 2 ans, au tout début du PlayStation VR. Je jouais à ce jeu et en fait, si tu veux, quand je jouais dans ma tête, c'était prenez à droite, prenez à gauche, allez par ici, par là, faites tel code. Si tu veux, je me rappelais du boulot que je faisais il y a 20 ans. Tu faisais le plan en temps réel dans ta tête directement. C'est quoi. Ça, le boulot et déjà je fait, me suis quoi. Dit... Exactement, et en fait avec l'option de share sur la PlayStation où tu appuies sur ton bouton, ça enregistre ce que tu dis et puis ouais, c'est facile hein. Et puis c'est facile à mettre en ligne. Mm-hmm. Je me suis dit pourquoi pas mettre mes solutions directement en ligne sur YouTube, ça pourra aider les joueurs et c'est venu comme ça. C'est là que je me suis dit je vais créer une chaîne. C'est pourquoi j'ai fait le nom Solus, parce que je faisais des Solus avant et puis c'est sur PSVR, donc Solus PSVR tout simplement pour aider les joueurs. C'est venu comme ça, à la base, la chaîne Solus PSVR. Et t'es un peu le seul à faire ça, hein. C'est un boulot de dingue, hein, je pense. C'est un boulot de dingue, ça prend du temps. Après, j'ai fait beaucoup, beaucoup de Solus, hein. Je vous ai dit, pendant 3 ans, tu fais que ça. En fait, tu te rends compte un petit peu des schémas, des jeux vidéo, c'est un peu tout le temps la même chose. Donc, tu as des techniques pour avancer plus rapidement, tu trouves plus facilement des choses, il y a la logique qui s'installe. Mais c'est un boulot monstre, c'est clair et net. Carrément. Ouais. Et puis il faut savoir jouer, quoi. Accessoirement. Ouais, faut savoir avancer, il faut savoir. Faut savoir l'expliquer aussi. Ouais, expliquer. Et puis le jeu, tu le prends comme. En fait, finalement, ça devient un travail, si tu veux. Hein. C'est, faut avancer dans le jeu. Et puis plus tu avances, plus ça va vite. Et plus tu peux enchaîner sur un autre jeu et t'éclater sur un autre jeu. Ouais, c'est intéressant de voir déjà que tu viens pas de nulle part, en fait. T'as déjà bossé dans le milieu professionnel, dans le jeu vidéo. Ouais. Ça t'a pas fait bizarre de revenir à tes premiers amours comme ça, même si c'est sous une autre forme, par la vidéo, mais t'as retrouvé tes automatismes directement ou il a fallu quand même que tu reprennes un petit peu sur toi pour t'y remettre, quoi. J'ai eu mes automatismes au niveau des solus, c'est revenu assez rapide puisque finalement dans un jeu vidéo tu peux pas tout faire n'importe quoi, surtout dans des jeux d'énigmes, ça revient souvent, c'est les mêmes logique, les mêmes énigmes, donc ça tourne un petit peu en rond, entre guillemets, même si parfois tu rencontres un jeu qui va être un petit peu plus difficile que les autres. Ce qui m'a plus posé de problème, c'est de revenir en France, et après 10 ans d'avoir lâché Internet qui s'est développé, YouTube, etc., où je n'y connaissais rien du tout, j'ai dû me lancer là-dedans, et c'est ça qui m'a demandé énormément de boulot, de faire de la communication Facebook, de mettre à Twitter, puisque Twitter, les Américains, ils aiment beaucoup, je sais qu'en France... Il y en a beaucoup moins, mais il faut quand même se mettre sur Twitter pour faire la communication et communiquer avec les développeurs. C'est ça qui me demande beaucoup plus de boulot que faire un test ou une soluce sur un jeu vidéo. C'est tous les à côté, en fait. C'est tous les à côté qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Gérer la communauté aussi, être à l'écoute un petit peu, savoir... être à l'écoute, ouais, exactement, être à l'écoute de la communauté, répondre à tous les messages, parce qu'il y a quand même pas mal de messages. Même si c'est une petite chaîne maintenant qui comporte 2380 membres abonnés à l'heure actuelle où je vous parle, un grand merci d'ailleurs à la communauté qui me suit, ça fait vraiment plaisir. Effectivement, ça prend du temps de répondre à tous les commentaires, de faire la publicité sur les divers réseaux sociaux, faire des tests. Il y a quand même beaucoup de tests maintenant. Quand j'ai commencé la chaîne, on avait 1-2 jeux PSVR qui sortaient par semaine, donc c'était beaucoup plus facile de gérer ça. Forcément, ça demandait moins de travail. Et maintenant, on en est quand même à 4-5 sorties par semaine. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement. Et avec le boulot à côté dans la vraie vie, c'est du temps. Ça demande du temps, mais c'est du plaisir également, quoi, de partager sa passion. T'es tout seul en plus hein, sur ta chaîne hein. À t'en occuper. Ouais, je suis tout seul. J'invite de temps en temps des amis. Il y a Laurent de Verplayer hein, qui a participé à de nombreux lives. Il y a Okami de Verplayer qui vient participer à de nombreux lives également. On a déjà fait quelques débats sur Rec Room un petit peu tous ensemble. Ouais, bien cool d'ailleurs. Mais je suis effectivement un petit peu tout seul sur la chaîne, mais j'essaye de rassembler un petit peu de monde pour pouvoir partager et d'avoir d'autres avis, d'autres opinions sur les jeux. Mais j'ai également monté, je vais en profiter pour parler du site PlayStationVRLeague.fr. avec un passionné de réalité virtuelle, un passionné de jeux vidéo, c'est Anakin, hein, vous le connaissez. On le connaît, ouais. Qui m'a proposé en fait de créer un site, de coder un site pour qu'on puisse rejoindre la communauté tous ensemble pour participer à des tournois donc sur PlayStation VR, bien entendu, en solo ou en tournoi. En tournoi, on pense bien entendu à Firewall, hein, puisqu'on a déjà participé en team sur Firewall. Et en solo, donc sur, par exemple, Spark, on espère Racket Fury, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pas pris la liste sous les yeux, j'aurais dû, mais plein de jeux solo sur PlayStation VR, quoi. Rejoignez-nous, PlayStation Creed, voilà, jeux de boxe, tout ce qui est jouable. En un contre un, on le met sur le site, avec grand plaisir. Vous allez sur PlayStationVRLink.fr. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour s'inscrire, pour trouver des teams. C'est plutôt actif. Là, en ce moment, je crois, là, on enregistre, on est le 13 décembre, il y a le tournoi de Firewall à 16 teams qui est en cours. Exactement, petit tournoi de 16 teams en cours. Donc, pour l'instant, on est au 8e de finale. Les derniers matchs vont se faire, on va pouvoir passer à la quart de finale. Et eh bien ensuite demi-finale et finale, bien entendu. Et ce qui est cool en plus, c'est qu'il y a des équipes françaises, mais pas uniquement. Il y a aussi des équipes australiennes, américaines. Ouais, une équipe australienne. Les autres teams sont des équipes françaises. Mais j'aimerais bien ouvrir, internationalement, dans le monde, quoi, pour réunir le plus de monde possible et puis qu'on puisse faire progresser le PSVR. Donc ouais, tu fais beaucoup de Solus sur ta chaîne, mais pas uniquement, ça s'appelle Solus PSVR, mais tu fais aussi beaucoup de tests et de let's play sur les jeux. Comme tu disais tout à l'heure, ça prend énormément de temps. Quand est-ce que tu as voulu justement à venir justement à faire des let's play et pas uniquement des Solus, à t'arrêter à ça? Eh ben, on s'est venu très rapidement puisque donc j'ai lancé la chaîne, la première chaîne française consacrée au PlayStation VR, juste... Au passage, c'était en novembre 2016. Donc, il y avait pas grand-chose au départ. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand le PlayStation VR est sorti, il y avait à peu près 15 jeux, dont Wayward Sky, donc un jeu à Solus. Mais je me suis très vite rendu compte qu'en fait, il n'y aurait pas beaucoup de jeux à avoir besoin de solutions. Donc, ouais. j'ai dû très vite m'orienter sur des tests. Et donc du coup un mois plus tard, mi-décembre, j'ai commencé à faire quelques tests, donc notamment sur Battlefront, sur Star Wings, un de mes tout premiers tests que j'ai mis en mode privé maintenant que vous ne pourrez plus retrouver. Pourquoi ? C'était un peu des entraînements si vous voulez. Donc du coup je me suis lancé à faire ça, voilà, et puis à suivre un petit peu le mouvement de YouTube. Comme je te disais tout à l'heure, j'apprenais un peu le monde de YouTube. Quand t'arrives, ça se fait pas en deux jours, si tu veux. Ouais, c'est sûr. Ça marche pas comme ça avec l'histoire les likes, les commentaires, comment être référencé, savoir mettre ton titre, etc. Il y a beaucoup de connaissances à apprendre que tu n'apprends pas en une semaine. Il faut plusieurs mois, hein, finalement, pour bien connaître tout le système. Et du coup, après, j'ai suivi un petit peu le cours et puis j'ai vu, en fait, on peut faire des lives avec la touche share de PlayStation 4, hop. T'appuies sur le bouton, t'es en live, etc. Et du coup, c'est venu comme ça au fur et à mesure. J'ai un petit peu peaufiné ma chaîne. J'ai essayé de lancer plusieurs émissions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait participer ma copine Julie qui présentait c'était pas les news en vrac, pardon, j'avais cité votre nom, mais c'est pas ça. C'était les news de la semaine ou un titre comme ça. J'ai lancé ça, j'ai essayé. Et après, tu te rends compte que finalement, avec le travail extérieur, le temps ne va pas. Donc j'ai dû mettre en place la passion, la vie de famille entre guillemets à côté ensemble, associer tout ça pour que tout le monde soit content et que je puisse continuer quand même la chaîne et j'espère que ça vous plaît tout simplement. Donc maintenant je présente les tests on n'achète ou pas. Ça c'est ma première émission que je n'ai pas lâchée. Donc ça c'est vraiment pour vous aider, c'est un test complet pour aider les joueurs dans l'achat de leur jeu sur PlayStation VR. Ouais. Puisque des fois effectivement quand on voit un trailer, on se dit waouh, c'est super beau, t'as envie de l'acheter et puis tu te retrouves, par exemple je pense à Ark Park, sans faire de mauvaise publicité, mais quand tu vois le trailer, waouh, le dinosaure et tout, ça a l'air énorme. Et puis en fait quand tu l'achètes, t'as claqué 50 balles et que tu te retrouves à un truc où c'est graphiquement pas terrible et puis c'est pas du tout ce qu'il y avait dans le trailer. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai voilà. Après, il y a des jeux, bah, les trailers sont pourris. En fait, le jeu est vachement bien. Donc voilà, j'essaye de guider les joueurs dans leurs achats pour qu'ils puissent bah, soit économiser ou soit acheter un bon jeu, quoi. Leur donner un avis. Et ensuite, je fais beaucoup de lives maintenant. Ouais. Je fais des lives, des previews, c'est-à-dire des. On teste le jeu en direct ensemble. Je l'ai pas testé avant. On le teste ensemble en direct. Et comme ça, je vous donne mes premières impressions. Première prise en main, quoi. Découverte voilà. Totale du jeu. Découverte totale du jeu. On voit un petit peu ensemble comment ça se passe graphiquement, bande sonore, etc. Et puis ensuite, après le live, donc moi, je le teste tout seul en local. Bah, j'essaie de finir le jeu, d'aller le plus loin possible pour pouvoir faire donc mon test complet. On achète ou pas pour vous donner vraiment. Mmh. Toutes les informations possibles sur le jeu, la durée de vie, les compatibilités, etc., etc. D'accord. En tout cas, beaucoup de boulot. Toutes tes vidéos, effectivement, sont disponibles sur le site Vert4Player également. On fait des articles aussi pour mettre en avant donc les trailers et aussi tes vidéos. On achète ou pas, ou alors tes découvertes un petit peu de jeu. Et VRPlayer profite aussi des vidéos et des avis de Solus PSVR. Hein. C'est vraiment un partenariat. Un bon partenariat, je suis très content d'avoir ce partenariat avec VRPlayer depuis maintenant un peu plus d'un an, je pense. C'est très bien, effectivement. Donc, on se fait une publicité mutuelle et je pense que le but, c'est de se rejoindre et de faire évoluer la communauté autour de la réalité virtuelle et spécialement autour du PSVR, PlayStation VR, puisque c'est une très bonne technologie, je trouve. Et voilà, ce partenariat est formidable. C'est un peu le même langage, en fait. On s'entraide entre nous, voilà, on se donne des informations et c'est très bien. Essayer de souder la communauté, qui est une petite communauté, hein, on n'arrête pas de le dire, mais le PSVR, ça reste quand même un marché de niche et c'est important de garder une communauté soudée. Il y a beaucoup de haters de cette technologie, des gens en général qui ne connaissent pas, et donc c'est important qu'on soit vraiment rassemblés pour pouvoir développer ce périphérique qui nous passionne, quoi. Oui, tout à fait, c'est clair, puisque la communauté commence à s'agrandir avec les prix qui ont baissé dernièrement avec le Black Friday. Là, on n'est plus sur le Black Friday, mais les prix sont restés à 200€ pour un PSVR. Je vois le méga pack qui passe à 230€ avec 5 gros jeux, hein, le Wipeout, Skyrim. C'est fou, hein. Et du bon. Ça, c'est un gros gros pack. Si vous avez l'occasion, enfin, en tout cas, si vous voulez faire un cadeau, allez-y, parce que c'est vraiment un très bon pack à ce prix-là. 230 balles, le casque, plus 5 gros jeux et la caméra. Ça vaut le coup. Et je pense que la communauté va vite grandir maintenant. Je pense qu'on est dans une nouvelle phase, du PlayStation VR. Et je pense que là, la troisième année va grandir. La communauté va vite grandir, je pense. Je pense qu'il y a plein de casques là qui attendent le 25 ou le 24 décembre, qui sont dans des cartons. Pour être déballés sous le sapin. Ouais. Je pense qu'il y a Père Noël, il va en livrer quelques-uns. Et d'un coup, ça va grossir d'un coup, ouais. Il faut consulter régulièrement ton site, en fait. Il y a pas mal de Solus qui apparaissent. Il y a la Solus de Red Matter qui est en ligne. Et ça, c'est un jeu qui mérite complètement une Solus parce que c'est assez corsé parfois quand même. Il est pas mal. Tu détailles même les trophées, tu vas plus loin que juste la Solus, quoi. Hein. C'est ça aussi qu'il faut voir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, j'aime bien ton site parce qu'il est complet. Vraiment, ça suit l'actualité. Il y a quand même pas mal de jeux. Heureusement pour toi, j'ai l'impression que la tendance des sorties PSVR, c'est plus seulement le mardi, mais c'est un peu dilué maintenant dans la semaine. Donc, tu peux un peu plus équilibrer la semaine avec des sorties. Et tu as toujours ce gros boulot de Solus que personne ne fait, quoi. Et ça c'est de l'or. Sur PSVR, bah merci, c'est un bon compliment. Franchement, ça fait plaisir à entendre. Et il y a quand même quelques Solus PSVR à droite, à gauche, mais c'est vrai que c'est un gros boulot. Moi, tu m'as déjà aidé. Même pour un test, tu m'as déjà aidé, hein, sans le savoir. C'était pour Up and Together. Merci. Je galérais pour le dernier niveau. Je suis allé voir un petit peu en scred ta chaîne. Et permis justement de terminer le jeu et de faire un test complet et aux petits oignons. Faut pas y aller en discret. Faut crier. Mais t'inquiète, je mettais des likes et tout. Non, mais c'est ça le but, hein, c'est pour aider à la base. Hein. Bon. Les Solus, ouais, j'aime bien ça. J'aime bien me triturer le cerveau et puis voilà, tu t'enregistres en même temps. C'est sympa, j'aime bien. C'est cool, c'est convivial. Et puis en tout cas, ça plaît, donc c'est le principal. Je pense qu'on va passer à la suite. Comme on disait tout à l'heure, fin d'année, grosse fin d'année, baisse de prix du casque, pas mal de sorties aussi ces dernières semaines. Il y a deux semaines, on invitait Steve Kilofer pour discuter un petit peu du développement d'un jeu vidéo en VR. Donc on n'a pas pu faire vraiment le tour des jeux qui étaient sortis les deux dernières semaines, enfin les semaines précédentes. Donc on va rattraper le temps perdu. Ah, on a double taf, quoi. Ah, on a double taf, exactement. Ouais, ça va durer combien de temps, cette émission? Mais c'est pour ça que j'ai pris que les meilleurs. Heureusement qu'il y a là, alors. Voilà, un petit peu de cirage, ça fait pas de mal et ça coûte pas cher. Alors du coup, bah, je vais commencer parce que je suis pas très poli, donc voilà. Allez, commence. Voilà. Titanic VR, qui est sorti, je crois, le 6 décembre. Sur le PSN européen. On l'a attendu longtemps. Hein. On a attendu. Est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il sort pas? Est-ce qu'il sort à cette date-là? Est-ce qu'il sera traduit? Qu'est-ce que ça va être? Donc voilà, maintenant on sait. C'est un jeu d'exploration où vous allez visiter donc l'épave du Titanic sur une partie scénarisée qui dure à peu près 4-5 heures. Vous avez un mode sandbox qui va vous permettre de visiter l'épave du Titanic comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, soit à partir de votre sous-marin ou alors d'un petit rover où vous allez pouvoir rentrer dans les entrailles du bâtiment, quoi. Du navire, merci. C'est un jeu qui est assez intéressant. En tout cas, il y a plusieurs parties. Il y a aussi une partie vidéo 360 qui nous permet de revivre le naufrage du Titanic dans une vidéo qui dure 10-15 minutes à peu près. Techniquement, qui est complètement à la ramasse, extrêmement sombre, avec des problèmes techniques au niveau du son, un gros décalage vers la fin de l'expérience. C'est plutôt... Et pourtant, tu as aimé, c'est ça? Bah, pourtant, j'ai aimé parce qu'il y a quand même, comme je disais dans le test que j'ai fait avec Laurent en vidéo et même dans le petit encadré que j'ai rajouté sur le site, il y a une grosse charge émotionnelle en fait dedans. C'est vraiment rageant en fait que techniquement ce soit pas bon cette vidéo parce que ça fout des petits frissons, toi, quand tu vois ce navire qui est immense au loin et qui est en train de sombrer au fur et à mesure avec la musique qui monte, avec les cris de terreur des gens qui sont encore restés sur le pont. Voilà, ça fait quelque chose, quoi. Donc ouais, vraiment dommage que ce soit vraiment limite techniquement. Bah, j'ai vu votre preview, je m'attendais pas du tout à ça, moi. Je pensais que ça allait être vraiment une reconstitution du naufrage, ouais, avec toute une charge émotionnelle. Mmh. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, comme on l'a vu dans pas mal de films, quoi, ou de reconstitutions, de documentaires. Mmh. Et le fait que tu te retrouves dans un petit sous-marin dans le noir avec une pince, à nettoyer après ce que tu trouves ça et là. Mmh. Ah, j'ai pas trop compris, hein, mais bah, pourquoi en fait, pas, c'est une approche différente, mais... En fait, c'est pas ce que voulaient les développeurs, on pouvait mettre des sous en fait dans un site de... Merde, comment on appelle ça? C'était un Kickstarter? Un financement participatif, voilà. Voilà. qui est pas arrivé à son terme. Enfin, ils n'ont pas atteint tous leurs objectifs, tous leurs paliers. Ce qui fait que normalement, justement, la partie de vidéo du naufrage où ils avaient remodélisé, je crois, 400, 800 personnes, je sais plus. Enfin, un grand nombre de protagonistes pour cette vidéo. En fait, tout ça, ça devait être en temps réel, tu vois. C'était pas en temps réel sur PC. Eh ben non, sur PC c'est aussi c'est le même jeu en fait, hein, que sur PC, hein. C'est exactement la même chose, sauf que techniquement il est meilleur sur PC évidemment. Ouais. Mais c'est exactement la même chose, et donc du coup un truc qui devait être en temps réel finalement se retrouve à être une vidéo qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Pareil, normalement on devait avoir aussi le navire de son vivant quand il atteignait l'iceberg, Pouvait se balader sur le pont, etc. Et tout ça n'a pas pu être implémenté. Et c'est ce que beaucoup de gens demandaient, justement, que ce soit ça, que tu puisses voir vraiment l'avant et l'après. Ouais. C'est pas le cas. Il n'empêche que c'est donc une expérience, et même on peut dire un jeu, hein, parce que par rapport à Apollo 11, qui était leur précédent jeu, j'ai pas dit qu'il l'avait fait, c'est VR Immersive VR Education, qui avait fait aussi Apollo 11, où il y avait deux petites phases de gameplay dedans. Là, c'est différent, il y a vraiment une partie scénarisée qui dure 4-5 heures. Donc tu te retrouves dans un laboratoire, ensuite tu vas visiter l'épave, tu vas récupérer des objets, tu retournes à ton laboratoire, tu essaies de nettoyer un petit peu tout. Du coup ça reste plus un jeu qu'une expérience alors. Bah oui, t'as toute la partie en fait scénarisée qui peut vraiment être considérée comme un jeu parce que t'as du gameplay, t'as des petites choses à trouver, t'as de l'exploration, tu dois manipuler ensuite. Donc oui, moi je considère ça personnellement comme un jeu, quoi. Ouais, il y a du gameplay, donc bien sûr c'est un jeu, c'est partir de la. C'est vrai que tu disais par rapport à Apollo 11, je l'ai fait, Apollo 11 Titanic, je ne connais pas du tout. Apollo 11, je l'avais testé, effectivement, bon voilà, tu touches 2-3 boutons et puis ça s'arrête là. Quoi. C'est ça, exactement. Donc là, ils sont allés quand même beaucoup plus loin. D'accord. Et du coup, 4-5 heures quand même de jeu finalement. À peu près, le temps de se paumer dans le navire. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup exploré, je me suis beaucoup paumé aussi. C'est très bien modélisé, il y a plein de pièces qui ne servent absolument à rien, juste à te perdre complètement et à visiter, et c'est, moi je trouve ça quand même, enfin moi ça m'a bien pris au trip quand même, parce que c'est assez fascinant, les fonds marins, cette vieille épave, enfin je veux dire, c'est le Titanic, bon, après, c'est pas n'importe quoi, quoi. C'est cette approche qui nous a un peu surpris, à laquelle on s'attendait pas. Bon, ça c'est une chose, ça a pu décevoir effectivement certaines personnes, je le comprends. Mais c'est surtout en fait donc tout le côté des sous-titrages qui pose problème, hein. Mais quel sous-titrage? Voilà, quel sous-titrage tu parles? Il n'y en a pas de sous-titrage. C'est que en anglais pour l'instant. C'est que en anglais et c'est très bavard, extrêmement bavard, parce que c'est extrêmement documenté, donc ça parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ultra intéressant, notamment pendant les visites guidées qui peuvent durer entre 20 minutes, t'as la partie courte en 20 minutes, ou 40 minutes, un peu plus de 40 minutes pour la partie longue. Et ça parle tout le temps, tout le temps, et il y a des interviews. Ah, faut quand même être assez passionné de l'histoire, du coup. Exactement. Enfin, de cette histoire. Exactement. Il faut être passionné et surtout il faut comprendre l'anglais, hein, parce que c'est quand même velu, hein, c'est pas à la portée de tout le monde. Je sais que moi, il y a des fois, moi je décrochais complètement. Voilà, pourtant, je comprends l'anglais, hein, mais des petites choses. Au bout d'un moment, tu. Voilà, t'as le cerveau qui suit plus, quoi. Exactement. Donc c'est un petit peu dommage. Moi, je continue quand même à vous le conseiller parce que moi, j'ai passé un très bon moment dessus. C'est 20 balles. C'est 20 euros. Ouais, 19,90, enfin 20 balles quoi. Faut savoir où on met les pieds. J'essaye, du coup, les développeurs, ils en sont où alors, avec la traduction? Il va y avoir une traduction française, au moins des sous-titres ou... Alors, il me semble qu'il n'y a même pas. Il y a une traduction en anglais, information à prendre avec des pincettes, sur la version Steam qui avait été implémentée, et je crois que les développeurs ont tellement galéré. Qu'en gros, ils ont lâché l'affaire au niveau des sous-titres sur la version PSVR. Trop flou ? Trop flou, même pas forcément, mais enfin, en tout cas, je sais pas, on connaît pas la raison. Quoi qu'il en soit, la décision a été prise de pas les implémenter. En tout cas, ce sont les informations qu'on a eues il y a une semaine, à peu près. D'accord. Donc voilà où on en est. Et dommage, surtout, vraiment dommage. Bon, après, si c'est très bavard, ça aurait complètement envahi l'écran et t'aurais perdu aussi voilà, l'immersion. C'est vrai, quitte à choisir, j'aurais quand même préféré au moins avoir le choix. Ouais. Toi ? Que tu puisses rajouter les sous-titres, et puis vraiment, si ça te gonfle pour l'immersion, bah, tu les enlèves, et puis voilà quoi. Oui, c'est l'option quoi. Ouais. Enfin voilà. Donc il s'est tapé, je crois, 6,5 sur vers 4 Player, qui est une note. Bah, il aurait pris plus, hein, je pense, s'il y avait eu les sous-titres. Tout simplement parce que c'est. Normal. Voilà, c'est et sur les sites américains ou les sites de test américains ou anglophones, il a eu combien en note, tu sais? Je crois qu'il est à peu près dans ces eaux-là. Parfois, il avait plus. Ah, quand même. J'ai déjà vu des 8 sur 10 sur VR Game Critique. Après, c'est compliqué de mettre vraiment une note sur un soft comme ça parce que il y a la passion, il y a le côté documentaire, c'est une expérience et un jeu. Voilà. Ça veut pas dire grand chose, encore moins sur ce jeu, je pense. Ça te touche ou ça te touche pas, en fait, tout simplement. Exactement. L'histoire en plus du Titanic. Ouais, c'est difficile. T'as trouvé Jack? Non? J'ai pas trouvé. Je l'ai cherché, j'ai pas trouvé d'ossement de Jack. Je suis un petit peu déçu. Donc voilà, c'est de la merde. J'ai trouvé que le Jack David. J'ai trouvé que Jack David. Chut. Et concernant Apollo 11, il paraît d'ailleurs qu'il va y avoir un patch en 2019, je crois, pour le rendre plus beau. Oui. Patch PS4 Pro pour la version HD qui est déjà sortie aussi sur Steam, qui affine les textures, et même ils ont carrément refait toutes les textures du jeu. Belle grosse refonte. Exactement. Ouais. Qui sera bienvenue parce que c'est vrai qu'il piquait un peu les yeux. Oui, c'était dommage. Ouais. Il était cool. Hein, mais... Titanic à côté, du coup, il est déjà en HD ou Bah la HD sur PS4. Moi, j'ai la PS4 classique. Moi, j'ai pas trouvé ça moche. Après, hein, c'est de la texture, faut pas avoir le nez collé dessus. Parce que là, on se rend compte que c'est de la texture Dreamcast. Hein. Mais globalement, ça fait le taf. En plus, t'as une petite lumière, donc tu vois pas très très loin. C'est une aisance technique pour le jeu. Mais ça apporte aussi de l'immersion, ce côté un peu claustro que t'as dedans. Et si tu t'approches pas trop, franchement, globalement, l'ambiance est très très bonne. Quoi qu'il en soit. En tout cas, la hype était là pour Titanic VR et. Bon. C'est quand même mitigé à la fin. C'est mitigé bon pour moi, mais mitigé quand même. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Titanic VR. On va passer à Rush. Sébastien, c'est quoi Rush? Rush VR. Alors, Rush, c'est un jeu de wingsuit, de course de wingsuit. Mmh. On va passer dans des checkpoints, en fait. C'est pas vraiment des courses libres. Et donc, on va devoir passer dans le checkpoint et puis finir en tête, bien sûr. Finir premier. Mais il est sorti maintenant, je ne sais plus vraiment. Il a été retardé. Ouais. Il était sorti en mai 2017 sur Steam. Mmh. Et il est sorti ce mois-ci, enfin non, le mois dernier. 4 décembre. Merci. Ah bah donc voilà, merci. Heureusement qu'il y a des pros ici. Hein. Ouais, 4 décembre, au prix de 25 euros pour le grand public. Et merci Maryse. Pour les membres PlayStation Plus. Pour les membres, voilà. Il a la 4G, il a la 4G, Herbie. C'est ça. Ah, je suis connecté. Ça aide aussi. Et il a été développé par The Binary Mill, qui va nous offrir aussi Binary Mill. Un serial killer et qui vont sortir Gun Club, Club. Hein. Yes. Voilà, tout à fait, la semaine prochaine. Bah, je l'ai testé, je sais. Et ben moi aussi aujourd'hui. Allez, des spoils. Ah ça y est, on digresse déjà. Et ben je vais vous spoiler. Rush VR ou Gun Club. Gun Club. Bon, attends. Rush VR, c'est bien ou c'est pas bien? Alors, Rush VR, moi personnellement, je l'attendais. Mmh. Je me suis dit, ah, ça peut être sympa et tout. Alors, c'est pas mauvais, mais j'ai été déçu. Notamment par la vitesse. Les sensations n'étaient pas aussi folles que ce que j'aurais pu espérer. Ouais. J'ai été déçu aussi par le trop peu de monde. Parce qu'en fait, on a 20 niveaux par monde, mais les 20 niveaux se ressemblent, en fait. Il y a juste les checkpoints qui sont placés à différents endroits. Les environnements, quoi. C'est assez répétitif. 20 environnements, mais t'as 4 mondes différents, quand même. Il y a 4 mondes différents, ouais, voilà. D'accord. Mais t'en as 20 par... En fait, j'aurais préféré qu'il y ait moins de niveaux par monde et plus de variété. Alors, heureusement, il y a les intempéries pour varier quand même le tout. Les intempéries sont vraiment sympas quand il y a de l'orage ou du brouillard. Ça change l'ambiance, quoi. Voilà, c'est ça. Même il y a la nuit des fois qui arrive comme ça, en plein milieu d'une course. Ça, c'est des choses appréciables. Après, ça, j'ai bien aimé aussi. Excuse-moi, je te coupe, mais j'ai bien aimé effectivement quand il y a la pluie qui arrive sur ton casque, les gouttelettes qui coulent sur le casque quand t'es en pleine vitesse, c'est assez réaliste, je trouve. Et puis le fait justement de pareil quand il y a l'orage, que t'as des grosses éclairs pendant que t'es en train de voler, le fait du coup que tu n'ailles pas vite, ça rajoute un peu de stress, un peu d'adrénaline en fait. Et il y a du monde. J'ai été un peu déçu en ligne. Ouais. Je peux pas te le dire. J'ai plus joué solo qu'en ligne. Je pense que Herbie sera peut-être mieux placé que moi pour en parler. Non, j'ai pas testé en mode online non plus. J'ai fait que du solo. J'ai testé les deux premiers mondes, du coup, avec la vallée où c'est vallée de montagne, champ de pelouse vert, etc. Et puis après le deuxième environnement où c'est montagne enneigée. C'est ça. D'accord. Mais les environnements sont pas mal. Quand on passe sur la, enfin, quand on fait les premiers niveaux, qu'on découvre en fait les environnements, à chaque fois, on se dit, ah, c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé, J'ai bien aimé. Ouais. Alors, juste j'ai une petite anecdote. Tu disais tout à l'heure au niveau du manque de vitesse. Certains joueurs, effectivement, pensent que ça va pas assez vite. J'ai un pote qui n'a pas testé beaucoup de gens sur PlayStation VR. Et je lui ai fait essayer ce jeu-là. Donc, je lui ai montré une fois, je lui ai dit, voilà comment ça se passe, regarde-moi, il m'a regardé, etc. Ça joue avec les PS Move. Tu gères avec tes mains, c'est assez réaliste. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et donc, il essaye. Il est sur le rebord de la falaise, sur la plateforme en hauteur. Il se jette. Il s'est vraiment jeté. Non, il s'est pas vraiment jeté. Mais dans le jeu, il se jette, si tu veux. Et au bout de 2 secondes, hop, il a enlevé son casque. En réalité, si tu veux. Hop, génial. Il retire son dos parce qu'il a fait... Ouais. Oh putain! Un peu saisi par le truc, quoi. Oh là. Ah oui, il a fait parce qu'il découvre, ouais. Il a vraiment eu l'impression de sauter pour de vrai, et son cerveau, il n'a pas calculé. Oh là là là là, énorme! Après, il a réessayé. Vraiment, ça lui a fait de l'effet. Donc, c'est pour ça, pour les nouveaux joueurs, je pense que c'est une bonne expérience. Ah oui, mais attention, ceux qui ont le vertige, attention. Je n'ai pas dit que ça faisait pas de l'effet, hein. Attention, ça fait de l'effet. Non, non, non, non, non. Mais c'est vrai, quand on est habitué, on aimerait pouvoir mettre encore plus de vitesse. Allez, encore je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait. J'aurais bien aimé un mode spécial pour, disons, joueurs expérimentés ou grosse vitesse et on envoie la patate. C'est ça. Avoir l'option, en fait, la possibilité de le faire. Parce qu'après, on peut effectivement raser des... Enfin, de toute façon, il faut raser un peu les éléments, frôler les éléments pour monter sa barre de boost, pour pouvoir accélérer. D'ailleurs, la barre de boost, c'est pareil, ça va pas très vite quand on l'active, mais bon. Ouais. Et ça rajoute, du coup, c'est sympa aussi de frôler les éléments, mais bon, ça va pas trop trop vite quand après, même. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, pas du tout. Pour les joueurs expérimentés, c'est vrai qu'un petit mode vraiment vite, vite, ça aurait été sympa. Après, tu sais, je pense que pour la majorité des joueurs sur PlayStation VR, je pense que la vitesse a été bien réglée. Hein. Ça fait quand même de l'effet pour la plupart des joueurs. Mmh. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que c'est parce que, quelque part, il est sorti aussi il y a déjà plus d'un an sur Steam. Et que là, on est un peu plus habitué maintenant, et peut-être que à l'époque, du coup, on l'aurait perçu différemment. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est sûr. Peut-être moins habitué au jeu. Ouais. Bon, en termes de vitesse, maintenant, on a Wipeout aussi, qui est passé par là, et tu t'en prends quand même bien par la gueule. Ouais, même si c'est pas du tout le même genre de jeu, hein, mais ça reste quand même de la course. Quand t'achètes un jeu qui s'appelle Rush VR, c'est parce que t'as envie d'avoir des sensations de vitesse de dingue. C'est vrai. C'est ce que je me suis dit au début. C'est pour ça que je me suis pas mal arrêté sur cet aspect-là parce que. Mais je pense que en mode online, parce qu'il faut le rappeler quand même, c'est tu peux jouer avec tes potes jusqu'à 8 joueurs, quoi. Donc je pense que sympa, franchement, ça doit être vraiment vraiment fun. Et Sébastien, comme tu l'as, du coup, on se mettra ensemble et on fera une partie en live justement pour voir un petit peu en mode. Ouais, carrément. Ouais. En mode co-op, bah, comment ça se passe. Je sais pas si vous l'avez, ça ou c'est bien le jeu. Je l'ai pas, non. Non. Non. Mais j'avais juste une question sur Rush. Il y a des vignettes, il y a des choses qui cachent. Alors tu as beaucoup d'options, ça c'est sympa. Il y a vraiment de nombreux paramètres, même de jouabilité. Tu peux jouer avec le casque, avec la manette, avec les moves, et t'as encore en plus des différents contrôleurs. T'as différentes manières de les utiliser. Et donc au niveau confort, c'est pareil. Tu peux régler vraiment à ta guise. Là-dessus, c'est vraiment bien foutu. Ce que je pourrais lui reprocher d'autre, après, ce serait les textures. Je trouve que les textures sont très grossières. Un peu pauvres. Et la musique. Parce qu'il y a une musique par monde, plus la musique du menu. Et à force, quand il joue pas mal, c'est un peu... C'est les mêmes violons que dans Déraciné ou pas? Non, c'est pas du violon, là. C'est pas du violon, là. Mais d'accord. Bon, pour le coup, c'est quand même... Enfin, je sais pas si tu l'aperçus, Herbie, mais moi, comme je faisais les 20 niveaux d'affilée dans un monde, du coup, j'avais toujours la même musique à chaque niveau. Ah, c'est peut-être parce que t'as enchaîné tous les niveaux. C'est peut-être ça. Moi, après, j'ai baissé le son de la musique. Effectivement, je l'ai baissé un petit peu tout de suite. Ça m'a pas perturbé plus que ça. Ouais, qu'en fait. Tu parlais des textures. Au niveau des textures, en fait, effectivement, quand j'ai testé le jeu la première fois, ça m'a pas choqué, mais j'ai dit ouais, bon, bof, bof. Et en fait, quand j'ai rejoué une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, j'ai trouvé ça plutôt pas mal avec l'aigle qui passe. Je sais pas si t'as remarqué, mais tout à fait. Il y a des petits détails. Passe. T'as la montgolfière, pas la montgolfière, si, montgolfière qui passe aussi. Oui. Bon, par contre, quand tu te shootes dedans, il se passe rien. Je sais pas si t'as essayé. Tu vas dedans, il se passe rien. Tu fais merde. T'as le mec qui cherche les trophées, toi. Shoot l'oiseau, quoi. Ben non, mais ce que j'ai apprécié, par contre, c'est que c'était, au début, j'avais peur parce que quand on est dans le menu, c'est assez aliasé, c'est un peu flou, enfin, c'est pas beau. Et en jeu, rendu est meilleur. Tout à fait. Et donc, j'étais agréablement surpris dans ce sens-là. Après, les niveaux font de l'effet quand même parce que, bah ouais, t'as bien le ressenti de la 3D, des grosses montagnes, des machins, mais si tu t'attardes sur les textures, bon, tu te rends compte que les textures sont assez grossières. Ça fonctionne pas mal. Après, je crois que le jeu, il a 20 balles, 20 euros, c'est pas mal, 20, 25 euros. Ouais. On conseille? Et je crois qu'il était sorti sur portable à la base. On achète ou pas? Sur smartphone. Moi, ouais, franchement, j'achète. Franchement, c'est une bonne expérience, c'est un jeu qui est différent. Qui est un petit peu différent sur PlayStation VR. Du coup, ouais, c'est... Multi, tu peux jouer avec tes potes, une bonne expérience. Tu peux montrer ça à ta famille, à tes amis qui découvrent le PlayStation VR. Ouais, cool. D'accord. Okay. Pense que ça vaudra le coup aux prochaines promos, quoi. Dès qu'il est en promo, pourquoi pas, si vous êtes fan du genre, ouais. Allez, ça marche. Ok, très bien. Et ben donc du coup maintenant on va passer à Gun Club. On avait dit une petite parenthèse. Gun Club. Ah, oui. Allez, Gun Club, c'est vrai, j'avais fait oublier. Ah, alors, c'est bien, alors, ou pas? Alors bah moi, ah, on va dire ça. Attention. J'ai fait 3 heures de jeu, un peu plus de 3 heures pour le moment. Et puis bah, c'est plutôt positif. Je suis agréablement surpris pour le moment. Et après, bon, quand tu compares avec le seul concurrent qui est Nifo, enfin Lethal. Mm-hmm. voilà, c'est vite fait. Lethal, c'était quand même pas oufissime. Ouais. Et là, ouais, c'est vraiment français. Dans le principe, c'est un web shooter quand même, non? Non, moi je dirais pas. Gun Club. Ouais, j'ai du mal à comparer à un web shooter parce que oui, t'as des principes que tu retrouves, mais vas-y, Herbie, dis-toi ton ressenti, je sais pas, mais moi je vois. Là, on parle de Gun Club VR. Tout à fait. C'est ça. J'ai kiffé. Il est cool. Je l'ai reçu avant-hier. Je l'ai testé une petite demi-heure parce que j'avais pas trop de temps, mais t'arrives, donc t'es avec tes PlayStation Move, t'as tes deux mains. En fait, t'es dans un club de flingues, je sais pas comment on appelle ça, mais t'es dans un club. Stand de tir. Un stand de tir, voilà. T'as plusieurs flingues et ils te proposent ça, d'acheter un pistolet au départ. T'as le Desert Eagle, tout le monde le connaît. Énorme, c'est franchement très réaliste. Quand tu charges ton gun, donc t'appuies sur rond, si tu veux, t'as ton chargeur qui tombe. Donc toi, tu dois prendre ton chargeur avec ta PS Move, donc sur ta jambe en bas à gauche, si tu vois, sur la jambe, comme si tu l'avais vraiment attaché. Donc tu prends ton truc, tu le mets dans le gun, et pour recharger, tu dois, je sais pas comment on appelle ça, la pièce métallique, ouais, ramener sur, au-dessus, quoi. Je ne sais plus la gâchette, ou je sais pas comment on dit. Je sais pas comment. Enfin, sur le culasse, dessus, en fait, tu le tires vers l'arrière. Dessus, ouais, voilà. Voilà, culasse, je sais pas, et c'est hyper réaliste, et si tu veux, tu vas tirer sur des cibles en carton, donc des faux bonhommes qui apparaissent devant toi et tu tires dessus, mais c'est vraiment, vraiment très réaliste. T'as vraiment l'impression d'être dans un club de flingues et de tester des nouvelles armes. J'ai acheté, il y a plusieurs embranchements dans le jeu, tu peux acheter plusieurs armes, donc du coup, pistolet, mitraillette. J'ai vu au bout, il y a le sniper également à tester quand tu auras beaucoup d'argent et progresser dans le jeu. Tu as un mode zombie, donc customisé aussi. Tu peux customiser toutes tes armes, c'est-à-dire avoir un plus gros chargeur, une meilleure accuracy, donc une meilleure stabilité, précision. T'as vraiment plein de choses et c'est énorme, c'est vraiment pas mal. Ouais, il y a pas mal de modes et de contenu. Ouais, tu en débloques encore un peu après. À chaque fois que tu progresses, ça progresse vite, tu gagnes assez vite de l'argent au départ. Donc ça te permet d'acheter 2-3 gadgets, tu débloques des modes, il y a le mode zombie, donc c'est des pancartes en fait qui avancent vers toi, faut les dégommer avant qu'ils arrivent vers toi. Ça a l'air vraiment pas mal. Alors en attendant vos previews en vidéo, il y a un petit article que j'avais écrit sur VR Player avec le trailer, on se rend bien compte effectivement, c'est très réaliste, ils ont pris vraiment comme base des vraies armes. Donc, je pense. Et ça se joue au Move effectivement seulement, par contre. Il faut bien le savoir. Ouais. Et au niveau du son, c'est pareil. Hein. Les armes, quand tu tires, ça défonce. Ah oui. Hein. T'as le casque audio sur la tête. Ça pète de partout. Est-ce que c'est net? Ouais, c'est propre. Ouais. Ça scintille un poil, mais franchement, c'est propre. C'est bien. Ah, bah, bonne surprise. T'es dans un stand de tir, donc forcément, ça peut être que net. Hein. Ton environnement, il bouge pas. Il n'y a pas grand chose, quoi. T'as rien à afficher, hein, donc tu tires sur des cibles en carton, hein, ils sont loin, ils apparaissent, bim bim, tu tires dessus. Ah ouais, mais ça pourrait être plus moche, hein, si tu vois l'étal à côté. je connais pas du tout. C'est vrai, ouais. Et ça sort quand, ça? Ça sort le 18 décembre. 18 décembre, ça sera mardi prochain, ça sera aux alentours de 20-25€. Tout à fait. Et c'est donc le même développeur que Rush VR. Et c'est plus beau. Et c'est plus beau et ça va plus vite. ça a l'air très intéressant. D'accord. Et ben on va passer à Beat Saber Silion. Ah ouais, bon là c'est Beat Saber quand même. C'est un gros morceau finalement, mais enfin c'est un gros morceau. D'un côté c'est un jeu casual aussi, donc mais c'est un jeu qui s'adresse un peu à tout le monde finalement sur PSVR, et c'était de la source même de Shane Layden, le jeu le plus attendu sur PlayStation VR. Rappelez-vous, avant le 3, été annoncé en grande pompe. Il est enfin sorti. Il a cartonné. C'est un jeu d'un petit studio indépendant tchèque, en fait, Hyperbolic Magnetism. une belle success story à la Super Hot, comme on les aime en VR. Mm-hmm. Et ils ont trouvé un concept con comme un ballon. Voilà, t'as des sabres, tu les coupes au son de la musique. Enfin, tu coupes des cubes au son de la musique, et ça marche. Mmh. Mais finalement, c'est que ça aussi, hein. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Faut aimer le concept. Hein. Mais moi, j'adore toujours. C'est quand même sympa. Le jeu va être renouvelé avec des DLC, des musiques en plus, puisque nous, sur PSVR, on n'a pas de modding, on peut pas mettre ses propres musiques et mettre les cubes en rythme comme on veut, malheureusement. Il y avait des rumeurs qui disaient que le studio était en pourparlers avec d'autres studios de jeux vidéo, donc Mackay, PlayStation, pour utiliser des musiques d'autres jeux. Alors tout de suite, moi je pense à Astrobot, si on parle que du PSVR ou Wipeout, mais finalement il y a plein de jeux, Spider-Man et autres, des gros succès, Made in Sony, qui pourraient réutiliser. Alors que Sony, finalement, c'est aussi une énorme bande de données, banque plutôt de données musique, mais bon, ils vont se cantonner a priori encore une fois sur les musiques de Jaroslav Beck, hein, le compositeur des premières musiques, et puis ils vont agrémenter ça de peut-être, j'espère, qu'ils vont concrétiser ça avec des musiques supplémentaires. Il y a 3 packs de prévus, et le premier pack, information, est prévu pour cette année encore. D'accord. Donc 2018. On va avoir, oui, et ça sera avant Noël, d'après les dernières sources du 13 décembre. Donc plutôt cool. Bien que il faudra encore repasser à la caisse parce que ça sera pas gratuit tout ça. Hein. Et le jeu de base, c'est que t'es quand même 30 balles, hein. 20 balles sur Steam, 30 balles sur PSVR, sans modding. Mais toujours chiant ça, ces conversions farfelues. Et c'est un jeu fait pour le PlayStation VR, c'est-à-dire que graphiquement ça reste simple et c'est parfaitement net. Dans notre casque et les moves fonctionnent très très bien, vraiment je suis vraiment très agréablement surpris. J'avais très peur de ça, que à cause de la vitesse ça réagisse pas assez vite, quoi. Ouais, et non, c'est quand même précis, même si on sent des fois que tu te dis j'ai réussi, tiens, étonnant. Tu te poses des questions parfois. Moi j'aime particulièrement la difficulté hard parce que je trouve qu'elle est encore assez réaliste et tu peux te permettre de faire des mouvements un petit peu larges. Alors que expert, là c'est vraiment pour réussir en expert, il faut vraiment faire des coupes très très courtes, c'est-à-dire bouger très peu tes moves. Et quelque part, pour ton exercice de cardio, c'est un petit peu... Enfin, si, c'est bien sûr que ça reste extrême, c'est encore plus extrême, mais tu fais moins de grands gestes, tu t'amuses... Voilà, c'est plus vraiment là C'est plus sec. C'est plus de la performance, mais c'est génial, c'est aussi. Grosse performance, en expert, j'ai testé. Bon, alors, si je peux donner mon avis sur Beat Saber, moi, finalement, je l'ai acheté puisque on a beaucoup parlé autour de ce jeu, donc... J'ai cédé à la consommation, donc j'ai acheté le jeu. Malheureusement, j'ai pas eu de clé offerte par le développeur. Je ne les remercie pas. Mais du coup, j'ai acheté, j'ai testé. Et voilà, j'ai fait une partie en live, j'ai joué une heure à peu près et je suis pas revenu dessus, quoi. Ça m'a pas convaincu, même si c'est super beau. Comme tu disais, hein, c'est vraiment on aime ou on aime pas. Et par contre, j'ai testé le mode expert, et le mode expert, c'est un truc. Mais il faut s'entraîner, tu réussis pas du premier coup. C'est de l'entraînement, tu refais et refais et refais les mêmes niveaux. Et après, des heures. Ouais, mais t'as une telle, t'es tellement content de réussir après ton niveau en expert, en parfait. T'es en sueur, mais ça reste un jeu de rythme, je suis d'accord. Hein. C'est un jeu de la performance en plus. Hein. C'est un très beau jeu, hein. je dis pas le contraire. Hein. C'est vraiment très beau avec les sabres laser, là, hein, si on peut dire. C'est net, franchement j'ai halluciné, j'avais fait un live dessus, j'avais une très bonne impression. Après c'est pas le style de jeu que j'aime, donc je suis pas revenu là-dessus parce que voilà, il y a d'autres jeux à tester en même temps. Mais franchement, c'est pour ceux qui aiment, ça cartonne bien, franchement. Ouais. Puis pour digérer les fêtes de Noël, ça peut être pas mal. C'est vrai. Oui, c'est ça, c'est un jeu, comme tu disais au début, ça s'adresse un peu à tout le monde, au casual comme au dingue gamer, quoi. Ouais, c'est celui ça, qui veut faire ceux qui sont là pour la performance et faire de l'arcade et pulvériser leur score à chaque fois, quoi. Et dans un autre genre, Ratchet & Clank, Beat Saber, et je sais pas moi, partie VR, je sais pas quoi là, ça va faire un carton à Noël, ce genre de jeu. Oui, c'est pour faire jouer tout le monde en fait. Tiens, tu veux jouer un truc 5 minutes, tu veux tester la VR, hop, tu mets ça et puis ça fonctionne direct. Mais le nombre de vidéos que sur YouTube que tu vois de gens pour Thanksgiving, hein, parce que le jeu est quand même sorti avant Thanksgiving, hein, malin. Hein, et, sur PSVR, ouais. Donc sur PSVR, hein, bien sûr, on parle que du PSVR ici. Donc tu vois des personnes âgées, des parents qui se mettent à jouer à ça. Et les commentaires de ceux qui postent, ben, mon beau-père, il a acheté un PSVR juste derrière. Pour de plus en plus de pubs. Hein. Même à la radio, tout à l'heure, j'étais, je conduisais et il y avait une pub de PlayStation VR. C'est la première fois que j'en entends une en 2 ans maintenant de sortie de casque. Hein. Ça commence à. Ben, je pense qu'il commence à être, il commence à être mûr là maintenant, justement. Il parlait justement du pack avec les 5 jeux. Ouais. Il y a quand même beaucoup de jeux, il y en a vraiment pour tous les goûts maintenant. Donc, c'est maintenant qu'il faut qu'ils mettent la gomme. Sachant que je pense que ça a encore bien 2 ans d'espérance de vie à peu près, à vue de nez. Donc, c'est mieux que jamais, quoi. Je pense, pour le PSVR 1, oui, je pense. Mais là, on a plus de 200 jeux dans le catalogue, hein, c'est quand même bien. Il y a... Bah, ouais, carrément. 250 Et du gros. Ouais, peut-être bien 250 maintenant. 250 en comptant les expériences, hein, c'est ça. Les vidéos où tu fais rien. Ouais. Oui, d'accord, ouais. Après, donc, en 2019, il va y avoir pas mal de jeux, donc ouais, ça évolue. Pardon, Sylvain. Non, je voulais juste finir. Beat Saber, je conseille toujours, mais comme pour Rush, peut-être en promo, maintenant. Ceux qui ne l'ont pas pris, ça sera une excellente affaire en promo. Mais est-ce qu'il sera un jour en promo? C'est ça la question. Oui, bien sûr. Ça, c'est oui, je pense. Déjà, s'ils offrent pas leur jeu, je sais pas s'il y aura de promo. Mais ouais, Beat Saber, en fait, si tu veux, à 30€, je trouve ça un peu cher. Encore 20€, j'aurais dit, bon, voilà, tu testes une fois, même si ça te plaît pas, au moins tu auras testé à 1 heure. Ouais. 30€, tu dis merde quand même. Là, Bon, on pourrait un jour ouvrir un débat, mais moi je suis jamais tellement choqué par les prix des jeux PlayStation VR. Après, ça reste pas cher finalement. Quand tu vois des jeux PS4 qui sortent à 70 balles toutes les semaines, voilà. Effectivement, on a de quoi faire sur PSVR. Oui, c'est toujours pareil. Que, ce qui me choque le plus, ce sont des petites expériences finalement très limitées de petits studios indépendants mal finis qui sont à n'importe quel prix mais qui durent 1 heure, 2 heures, 20 minutes. Tu payes 5€, t'en as pour 20 minutes. T'en as. Alors du coup là on va passer à Red Matter. RP, qu'est-ce que c'est bien Red Matter? Encore un jeu européen. Alors, je sais plus le nom du studio, je l'ai pas en tête, mais Red Matter, il est sorti le 6 décembre au prix de 30€. Alors, au niveau du prix, c'est vrai que j'ai eu certains commentaires, comme Beat Saber, tu vois. Entre Beat Saber et Red Matter, qu'est-ce qu'on prend, Cillian, dis-moi. Ça n'a rien à voir. Je ne connais pas Red Matter et je n'aime pas les jeux de Pulse. Alors, on prend Beat Saber chez toi et on prend Red Matter chez moi. Donc du coup, Red Matter à 30€, c'est un jeu de puzzle aventure. On se retrouve dans la peau d'un cosmonaute. Il faut pas que je spoil le scénario parce que c'est assez original. Est-ce que quelqu'un autour de la table a testé le jeu? Vertical robot, le jeu. Voilà. Vertical robot, exactement. Non, il y a Okami qui l'a essayé, je crois, de la rédac, mais à part lui. Vous l'avez pas testé? Non. Bah écoutez, déjà. Il est vraiment sympa. Donc le jeu, il joue au PlayStation Move. On se retrouve dans la peau d'un agent secret sur la planète Rhea. La planète Rhea, en fait, c'est la lune de Saturne. Ouais. Donc, on nous envoie là-bas pour aller rechercher des documents secrets dans la base ennemie. La base ennemie qui s'appelle les Volgraviens. Voilà, je suis dessus. Très classe. Les Volgraviens qui ont enfermé des documents secrets dans une chambre forte. Et quand on arrive sur cette planète, en fait, notre but, c'est d'accéder à cette chambre forte. Et pour ceci, on va devoir rétablir le courant, rétablir le réacteur, activer des machines, pousser des boutons, trouver des codes secrets, etc. Fouiller un petit peu la base secrète. On va découvrir du sang. Donc, ah, tiens, il y a du sang, qu'est-ce qui s'est passé? On va rentrer dans un espèce de scénario, chercher un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette base, jusqu'à ce qu'on trouve. Il n'y a pas d'armes. On sait que de l'exploration, puzzle et aventure, on recherche, quoi. D'accord. On a dans nos mains, donc c'est au PlayStation Move, dans notre main gauche, on a un ustensile en fait qui va nous permettre de traduire le langage volgravien, puisque nous ne parlons pas le volgravien. Donc c'est assez stylé en fait. Si tu veux, t'as PlayStation Move, t'appuies sur ton bouton T, la gâchette, pour scanner un écriteau, une pancarte, une peinture, ce que tu veux, une machine. Et en fait, t'as un grand écran qui s'affiche sur ta PlayStation Move de gauche et ça te traduit tout en français. C'est assez excellent. Et sinon, t'as deux pinces également, PlayStation Move de droite ou gauche. Tu peux switcher entre différents outils sur ta PS Move. T'as deux pinces pour pouvoir actionner les boutons, prendre commande de manivelle, etc. pour résoudre tes puzzles et tes... Les indices, peut-être. Et tes énigmes. Les énigmes. C'est un rythme un petit peu lent. Excuse-moi, sinon c'est un rythme un petit peu lent ou des fois t'as un petit peu un effet d'urgence dans la mise en scène. Non, ça reste quand même dans un esprit lent, effectivement. Il n'y a pas d'urgence. Tu vas progresser au fur et à mesure de découvrir de nouveaux indices, avancer dans ton aventure, et tant que tu n'auras pas franchi tel ou tel point, le scénario n'avancera pas. Donc d'accord. Si tu restes bloqué dans une pièce pendant 2 heures, il n'y aura pas d'effet d'alarme, dépêche-toi, etc. Voilà, ok. Ça va se déclencher, tu auras trouvé tel ou tel élément dans le jeu, et tu vas avoir... une petite action, un nouvel indice, une nouvelle animation qui va t'orienter vers autre chose, vers la pièce suivante, etc. Moi, j'ai deux questions. Ouais, dis-moi. Durée de vie, alors moi j'ai mis 5 heures, j'ai un ami qui a mis 4 heures. Ah ouais. Ça va varier. Alors la Solus, du coup, je l'ai fait le jeu, j'ai vraiment aimé, puisque niveau graphique, j'en ai pas parlé, mais graphiquement, il est très très beau. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Après, au niveau des retours, il est vraiment magnifique. Ils ont fait un patch PS4 Pro où tu as 20% de graphisme en plus et moins d'aliasing. Donc franchement, vraiment très très beau. Tu as la planète Saturne en fond dans ton casque avec des dunes, de la lumière et tout. C'est franchement magnifique. Vraiment très très joli. J'ai bien aimé. Et le jeu, donc, j'ai fait une première fois pour découvrir le scénario, pour découvrir un petit peu, t'actionnes les machines, c'est ça que j'ai bien aimé, dans ta base, résoudre les puzzles, les énigmes. Et je l'ai refait une deuxième fois pour faire la Solus. Et du coup, la Solus, ça m'a pris seulement 1h30 parce que je savais exactement où aller, qu'est-ce qu'il fallait faire. En ligne droite, c'est 1h30. En ligne droite, c'est 1h30 quand tu sais ce qu'il faut faire. Ouais. Si tu cherches par toi-même, comment résoudre telle ou telle énigme, puisqu'il y a certaines énigmes que c'est pas évident. Ça reste assez facile ensemble, mais il y en a certaines c'est assez compliqué. Ça va te mettre à avoir à peu près 4-5 heures, allez, je dirais entre 5 et 6 heures de durée de vie, ce qui reste pas mal. C'est un peu comme Detached, en fait. Si tu sais où aller, ça va vite. Si tu le sais pas, tu... Non, Detached, tu avais beaucoup moins d'énigmes, tu avais pas beaucoup de puzzles à résoudre. Hein. C'est vraiment orienté sur le principe justement de... Ouais, enfin tu cherches quand même des fois les éléments, c'est pas des puzzles, mais je veux dire, si tu sais déjà où aller, c'est de l'exploration, tu vas beaucoup plus vite. Voilà. Ouais. Une fois que tu sais que tu vas du point A et que tu connais l'emplacement du point B, sur ce principe là je voulais dire, hein. Sinon c'est pas le même genre de jeu. Oui, bien sûr. Donc là j'ai mis 1h30 pour faire la Solus, mais vous mettrez au moins 4-5 heures pour pouvoir finir le jeu. Une bonne deuxième question. Tu serais seul sur une île déserte avec un PSVR, une PS4, le courant. Tu prendrais The Solus Project ou Red Matter? Oh, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Solus Project, c'est vraiment de la pure exploration. Ça dure plus de 10 heures de jeu. Il y a beaucoup de choses à aller chercher. Il y a des artefacts à aller chercher à droite, à gauche. Ça a rien à voir. Là, c'est vraiment plus un jeu aventure. Voilà, on se prend pas trop la tête, on trouve les solutions, on avance. Et le scénario, je reviens sur le scénario, est très original. À la fin, il se passe quelque chose. J'ai trouvé ça très, très, très sympathique. Solus Project est un très bon jeu, mais je ne pourrais pas choisir entre les deux. Je prendrais les deux. mais t'as pas le droit, il y a des règles, je suis désolé. Attends, je prendrais Red Matter pour ce côté très très beau et rapide à jouer. En 4-5 heures c'est fini et on s'est bien éclaté, et je prendrais Solus Project pour se dire je vais passer plus de temps dessus et vraiment explorer. C'est ton coup de cœur un peu, hein, Red Matter, hein, finalement, de l'année dernière semaine. Ouais, c'est un coup de cœur, ouais. Carrément. Okay. C'est vrai que 30 €, je comprends, hein, ça paraît un petit peu cher. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être 20-25 €, mais très très bonne surprise. Je l'attendais pas du tout, je savais pas du tout ce que ça allait être. Une très bonne surprise pour ce mois de novembre, décembre. Décembre, puisqu'il est sorti le 6 décembre. Et direct patché avec des... Direct patché, ouais. Ouais, ouais. Peut-être mieux celui-là, quand même. Ils ont refait un nouveau patch, en plus. Du coup, je crois qu'on a les... quand je l'ai testé, c'était en mode angulaire. Maintenant, je crois qu'on a le mode libre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je me rappelle plus de tête, mais... Tu peux mettre ou enlever l'anti-aliasing. Tu as gagné donc, avec un premier patch 20% de réseau en plus. Un patch pro, en fait. Et 20% de rapidité de déplacement en plus. Voilà, exactement. Donc, pas mal, à retester, ouais, c'est pas mal. S'ils pouvaient ajuster le prix un petit peu vers le bas, ça pourrait être bien. 25€, je pense que ça pourrait être très, très bien. D'accord. 25, c'est le juste prix, ok. 25, c'est le juste. 30€, c'est pour ceux qui aiment ce style de jeu, allez-y. Franchement, très, très, très bon. Vous ne serez pas déçus. Ouais, carrément. Ah, je vais me laisser tenter, à part celui-là, je pense. Fan d'animation japonaise, il y a Gungrave qui est sorti aussi dernièrement, Sillon. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, on va passer maintenant sur un jeu qui a beaucoup déçu sur la toile. Gungrave qui était attendu depuis 13 ans, puisque ça fait 13 ans qu'on ne l'a pas eu sur console. C'était sur PS2, si je dis pas de conneries, qu'on l'a eu la dernière fois. Mmh. Et Gungrave revient en version VR. Directement, et ils vont d'ailleurs enchaîner avec Gungrave Gore en 2D. J'espère qu'il sera meilleur. Pourquoi ? Parce que moi j'ai fait uniquement le Gungrave VR UN, qui est moins bien encore que le Gungrave VR tout court, qui est sorti au Japon. Il y a un gros problème de concept de jeu vidéo, de gameplay sur Gungrave VR UN. Ils ont voulu tenter un truc, c'est-à-dire multiplier les points de vue. Gungrave tout court, VR tout court, c'était une vue TPS originale, assez peu utilisée, sauf d'ailleurs par des développeurs japonais. On pense à Zone of the Enders qui avait tenté le truc. Ouais. C'est-à-dire représenter ton personnage devant toi et le faire bouger dans un environnement en 3D. Mmh. Ça a de l'avenir, ça. Hein. Y a eu la... On pense tous, bien sûr, encore une fois à Resident Evil 2 qui ne sera pas VR, mais quelque part, c'est viable comme mode de vue. C'est pas du mouse hein, dans des environnements fixes. C'est vraiment, tu suis ton personnage. Ça marche, ça fonctionne en VR. Gungrave VR, ça fonctionne. C'est assez joli, etc. Mais Gungrave VR UN, ils ont voulu multiplier les points de vue. Donc, tu as de la vue subjective que tu as aussi dans Gungrave VR tout court, mais surtout, tu as 75 à 80% de vue de côté. Et donc, tout d'un coup, tu vois ton personnage vu de côté et tu dois constamment donc tourner le casque de droite à gauche pour regarder les ennemis qui peuvent arriver devant toi ou derrière toi. Mmh. Et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Pourtant, ça fonctionne hein, des fois, ce type de vue, justement, 2D dans les jeux de plateforme type Bloody Zombies, par exemple. Ça n'a rien à voir. Sur Bloody Zombies, tu as une vue panoramique quelque part. Tu vois ton personnage loin et tu peux te rapprocher de façon assez impressionnante. Hein. Tu peux carrément rentrer dans le décor. C'est génial de ce côté-là. Gungrave VR, tu peux pas. Tu vois ton personnage de loin et je te dis, si tu veux voir un mec qui a un mètre de toi, de ton personnage, ton avatar, il faut vraiment tourner la tête tout d'un coup à gauche. Bref, bon, le gameplay, n'en parlons pas, il n'a pas évolué en 13 ans, ça reste très basique, mais quelque part, les fans de la première heure attendaient ce type de gameplay, très action, très bourrin. Très arcade. Stylish hein, aussi, quand même, ça c'est sympa. Mais bon, moi j'ai bien aimé les phases en 3D TPS du Gungrave VR UN, mais les phases en vue de côté... pour faire hommage, en fait, rendre hommage au tout premier Gungrave, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que c'est pas un remaster, c'est vraiment un nouveau jeu. C'est complètement un nouveau jeu. Dans Gungrave VR UN, en plus, tu te retrouves dans une usine désaffectée, donc c'est très monotone, comme décor, tu dois avoir quoi, 4-5 ennemis différents, tout et pour tout. Ça coûte 15€, ça dure 50 minutes, ça finit par un boss, t'as un petit dessin animé en intro, point barre, c'est tout. D'accord. C'est un épisode 2 qu'ils ont fait en bonus comme ça, mais c'est pas un bon jeu. Ce n'est pas un bon jeu et c'est pas pour ça qu'à mon avis qu'est fait la VR, en tout cas aujourd'hui, ça fonctionne pas. Alors, ils testent des trucs au moins. Oui, au moins ils testent des trucs, mais force est de constater que voilà, je suis un peu déçu. Bon, c'est pas un grand studio japonais, hein, mais que les Japonais, voilà, Zone of the Enders, c'est pas un bon remaster en VR, ça fonctionne pas non plus très bien. Gungrave, c'est planté aussi. Voilà. Par contre, Gungrave VR tout court, je serais moins sévère, hein, parce qu'encore une fois, ça marche mieux quand même, hein, voir ton personnage, c'est sympa, ça manque un peu. Moi, dans Batman, c'est ce qui m'a un peu manqué, c'est que, ok, tu incarnes Batman, mais tu vois jamais Batman. Et quand je jouais à Batman Arkham, j'aimais bien voir mon personnage. Donc, il y a ce côté fanboy, voilà, il y a une mythologie assez forte de Gungrave, c'est sympa de voir ton perso devant toi. Mais voilà, ça ne fonctionne malheureusement pas en scrolling horizontal sur ce jeu. D'accord. Et une grosse déception. Donc un jeu pas cher mais qui vaut pas le coup non plus en fait. Bah pas cher, on parle de Gungrave VR UL qui est un épisode de 50 minutes qui coûte donc 15€. Le jeu Gungrave tout court VR coûte 30€ et le bundle ensemble 40. Donc attention, finalement, c'est quand même pas mal, hein. Ça commence à faire chaud. Hein. Et le Gungrave VR tout court, il dure pas non plus si longtemps que ça, hein. 2 heures, 3 heures si tu galères. C'est pas. Je crois qu'il y avait 5 mondes, c'est ça, non? Du Gungrave VR, je ne l'ai pas fait, Herbie, donc je parle vraiment que du UN. Ah oui, d'accord. Voilà, que j'ai vraiment voulu tester, je voulais me rendre compte. Et quand regardez ma preview, je l'ai faite vraiment fraîche, hein, et quand on se retrouve d'un coup de vue de côté, j'ai cru à un bug. Hein, tellement le tuto. Quoi? Je crisais pour toi, en fait. Ah, mais oui! Le tuto, tu sais, le tuto, en fait, t'es dans l'action, ça se coupe. T'as une nanette qui te parle en plus, qui est un petit peu agaçante, et ça coupe tout, mais c'est un truc, mais c'était déjà pas acceptable il y a 15 ans. Alors en regardant la vidéo, je me suis énervé tout seul en fait. Je vous ai épargné le dictaticiel qui il y avait un vrai dictaticiel juste avant où tu faisais en toutes plus, les étapes qu'elle t'explique, hein. Et elle remet une couche la nana. Et puis ça te coupe complètement le truc, hein. Ça te coupe l'action, et puis blablabla. C'est vraiment pénible. Hein. Voilà, bon, après, regardez les avis sur Internet, hein, ils sont assez unanimes, tous sont déçus, c'est dommage, pour le retour de Gungrave. Bah, c'est un peu dommage, c'est une grosse licence en plus que les anciens qui aiment l'anime japonaise aiment bien, donc ouais, c'est un peu dommage de le voir dans cet état-là, quoi. Ouais, bah c'est pas par lui, c'est pas par lui que la VR renaîtra, et c'est pas avec la VR que Gungrave renaîtra. On verra avec le gore, hein, par contre, c'est une version donc 2D, plus classique, beaucoup plus de budget aussi, hein. Donc là, peut-être que ce sera une autre histoire. On lui souhaite. Bonus. Voilà, Gungrave. Au revoir. Au revoir, Gungrave. Au revoir, Gungrave. Et bonjour. Et bonjour, The Door. Et pas The Door. Bonjour, The Door. Bonjour, The Door. C'est à mon tour. The Door. Qu'est-ce qui se passe dans The Door? Ben, on se retrouve encore dans un jeu à Solus, hein, bien entendu. C'est vraiment le type de jeu que j'aime, hein. Puzzle, aventure, énigme. Alors, The Door, il est sorti le 26 novembre. Il est au prix de 50€. Aïe, c'est pas cher. Ça fait mal. C'est pas cher, 50. Ça fait mal. 50€, alors ça fait mal quand on voit que sur le store US il est à 35$. Je me suis renseigné auprès du studio, savoir pourquoi et comment, et bah, ils pensaient que ça allait être à 35€ sur le store Europe, et malheureusement il est toujours resté à 50€. Bon. Et Sony compte faire quelque chose ou Je sais pas, là ça bouge pas depuis 3 semaines, donc je pense qu'il va rester à ce prix là. Ils se disent, en tout cas, Noël arrive, donc on va tenter le coup. On va se faire un petit pourlish. Donc c'est un jeu d'aventure horreur, The Door. Vous allez devoir résoudre des puzzles. On se retrouve en fait dans la peau du père. Genre, j'ai plus le nom de famille ni le prénom du père. Et en fait, sa fille est malade. Et le père, il est scientifique, il est biologiste. Et il a créé un laboratoire souterrain dans une forêt. Et en fait, il est là pour faire le vaccin, pour pouvoir enlever guérir sa fille, pardon. Donc ça, c'est le scénario de Resident Evil 1 en fait, hein, que t'es en train de nous faire. C'est du remake, du remaster. Hein. Les Trevor. Sauf que là, c'est The Door. D'accord. Et du coup, le jeu sera sous-titré en anglais. Il est en audio anglais également, japonais ou coréen si vous parlez ces langues-là. Sinon, ça sera que en anglais. Malheureusement, il n'y a pas de sous-titre français. Donc, si vous parlez pas bien anglais, si vous comprenez pas forcément au niveau du scénario, vous n'avez pas capté ce qui se passe. Mais en tout cas, c'était un bon jeu. J'ai passé une bonne expérience. Ouais, c'était un bon jeu parce que ça a duré 5-6 heures, pareil, à résoudre des énigmes, des puzzles. C'est en niveau de déplacement, ça va être que de la téléportation. C'était des énigmes un petit peu particulières qui m'ont donné beaucoup de fil à retordre. Pour une fois, c'est un jeu où j'ai quand même pas mal bloqué, où c'était vraiment compliqué. J'ai fait la Solus, du coup, qui est disponible sur Solus PSVR, bien entendu, sur la chaîne YouTube. J'ai fait le test également disponible sur la chaîne. J'ai passé vraiment un bon moment. Après, voilà, il faut quand même comprendre l'anglais. Niveau graphisme, c'est propre. Un petit peu d'aliasing par-ci par-là, mais ça reste convenable. Après, c'est vrai que ça... C'est un peu glauque ou pas? Ouais, ça reste. Ouais, après c'est horreur mais gentillet. C'est pas non plus horreur avec des gros jumpscares. Ça reste gentil. Hein. On voit le monstre au plafond si tu veux. À un moment donné, tu regardes, bah, il est là. Il y a pas de jumpscare. Il va pas te sauter la gueule quoi. Non, il va pas te sauter la gueule. Par contre, voilà, si tu comprends l'anglais, si tu t'intéresses bien au scénario, tu te mets dans la peau du personnage, trouver les énigmes, les codes, les puzzles, etc. C'est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'à 50€, ça fait un peu cher. C'est dommage. J'avais une question subsidiaire un peu polémique à poser à Herbie qui vient avec l'interview du début. C'est que là, c'est 50 balles. Ah non, là, je le conseille pas à 50€. Voilà. Non. Comment tu fais? Parce que les studios, ils t'offrent des codes. Hein, ouais. Ça m'intéresse quand même. Et ça intéresse tout le monde. Tu te fais pas influencer par le fait que le studio t'offre un code. Si le jeu est pas bon, je dis que c'est naze et puis voilà. Bien entendu, je reste honnête. Il m'offre le jeu, je dois faire une vidéo. Des fois, bah, il y a des jeux, je le fais pas puisque par exemple Apocalypse Boxing ou Boxing Apocalypse, je sais pas si vous l'avez testé, mais ouais. Voilà, j'ai même pas envie de faire une vidéo sur ce jeu-là tellement c'est naze. Mais non, je suis pas influencé. C'est pas parce qu'il m'offre le jeu que je vais dire bah c'est génial, allez-y, achetez-le. Si vous me suivez, vous savez très bien que je suis honnête sur mes tests. Oui, puis il y a une émission qui s'appelle On l'achète ou pas. T'es pas comme les youtubeurs qui sont sponsorisés et qui disent du bien du jeu pourri. Je gagne rien du tout. Exactement. Non, je gagne rien du tout. On m'offre le jeu. En fait, si tu veux, comment ça se passe? Quand je vois qu'il y a un jeu qui va sortir sur PlayStation VR, j'écris au développeur. Je lui dis, bah, écoutez, voilà, j'ai une chaîne YouTube. Le jeu a l'air intéressant. Si vous voulez m'offrir une clé du jeu, enfin le jeu pour que je puisse le tester et faire une vidéo, ce sera avec grand plaisir de faire une review, hein, comme on appelle maintenant un test. Des fois il m'envoie, des fois il m'envoie pas, et voilà, des fois je dois acheter le jeu et j'essaie de partager un maximum de tests sur la chaîne, mais il n'y a pas d'influence. Si c'est naze, je le dis. Si c'est bien, je le dis aussi. Ça c'est très bien. Voilà. C'est très très bien. Ouais, bah oui, non, mais tu sais plus après hein, sur YouTube. Hein. Faut rester honnête. Ouais. C'est vrai que les frontières entre l'intégrité et puis l'honnêteté. Bah voilà, une daube ça va être vendu, un jeu c'est très très fou. Un jeu tout court ça va être une perle. Tu sais plus quoi. Ce que tu vois sur internet, des fois ton jugement est faussé et tu peux être très déçu. Et pour certains, payer un jeu 20€, bah c'est 20€ quoi. Et donc t'es dégoûté. Et c'est pour ça qu'aussi sur le site, là, on en a déjà discuté dans d'autres podcasts, hein, mais ce qu'on essaie de mettre en place, et ce qu'on a fait pour Titanic VR d'ailleurs, c'est de faire des tests à deux rédacteurs différents. Ouais. C'est-à-dire on rajoute des onglets maintenant systématiquement sur les tests écrits. Et on va essayer de faire ça aussi de plus en plus, je pense, sur les vidéos, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes sensibilités, ni les mêmes types de jeux qu'on affectionne. Ouais. Donc du coup, ça permet de... Voilà, les lecteurs ou les personnes qui regardent plusieurs les vidéos... Avis. Exactement, ouais. Pour se dire, ouais, je suis plus de son avis ou enfin voilà, ça va être selon les sensibilités de chacun. Ça peut-être pas mal comme je sens qu'on va faire ça sur un gros jeu qui devrait pas tarder, hein, sans spoiler. Surprise. C'est vrai que c'est dur, comme tu dis, ça, de donner son propre opinion sur un jeu. C'est vrai que que toi tu le testes, je sais pas, t'es de bonne humeur, bah voilà, le jeu, tu vas le kiffer, puis tu vas tester un jeu, t'es un peu de mauvaise humeur la journée, ta femme ou je sais pas quoi. Ça s'est mal passé, du coup, ah bah non, le jeu en plus il est pourri, ça va pas. Et c'est vrai qu'il faut avoir plusieurs avis, plusieurs opinions sur un jeu, donc c'est pour ça que j'essaye d'inviter le plus de personnes possible, enfin d'avoir un invité à chaque fois que je fais un live. Et quand je fais des tests, c'est pas que j'essaye de dire on achète ou pas, je vais pas orienter, sauf si c'est vraiment naze, je vais dire non, sauf si c'est vraiment bien, je vais dire oui. Mais j'essaye vraiment de donner des informations précises. La durée de vie, ce qui importe le plus, hein, le graphisme, la bande sonore, la durée de vie, la compatibilité et le tarif. Après, je donne une opinion et après, voilà. Et la preuve que toi, tu fais les jeux jusqu'au bout, c'est que tu fais des solutions pour la beaucoup. Et donc, tu donnes pas un avis sur 20 minutes de test, enfin de, ouais, c'est ça, non, de jeu. Non, je fais les previews en live, voilà, on teste ensemble, voilà, 20, 30, 40 minutes. Et après, je joue le jeu, je fais le jeu au maximum, pour aller à la fin et vous donner, voilà, une vraie durée de vie, quoi. Pour donner de vraies informations. Mais c'est bien d'être avec aussi, comme tu disais, essaye d'avoir plusieurs avis sur un jeu. C'est vrai que quand on teste un jeu, c'est difficile. Faut pas s'orienter sur un seul avis. Faut prendre deux, trois avis, se dire, ah ouais, ok. Il y en a deux, il dit ça, ils sont d'accord. Il y en a un, il dit ça. Bon, après, on connaît plus ou moins les testeurs. On sait que, ah bah, tel testeur, il aime bien tel ou tel type de jeu, moi aussi. Et on, tu vois ce que je veux dire? On va avoir une espèce de relation entre rédacteur et de, bah, je me rappelle et de lecteur. Je me rappelle de notre test de The Inpatient, on n'était pas tous d'accord, hein, et on était plusieurs à donner notre avis. Tu avais ton avis, Herbie, qui était plutôt correct, tu avais trouvé le jeu plutôt bien. Spank, ça a aussi plutôt aimé. Moi, j'ai détesté. Laurent était plutôt mitigé aussi. Mitigé, mais, ouais. Voilà, chacun avait son avis, et ça, c'est bien, il faudrait qu'on continue de faire ça, ouais. Ouais, il faut, carrément. On va continuer en tout cas de faire ça et de développer un petit peu cette idée. Après, chacun est libre de suivre ou pas ce nouveau concept. Hein. On va passer maintenant à Trickster. Sébastien, qu'est-ce que c'est que Trickster ? Alors, Trickster, c'est un jeu développé par Trickster Games. Et cette fois-ci, je pars en professionnel. Le mec, il a fait toutes ses recherches depuis tout à l'heure. Merde, ça va être à moi, ça va être à moi. Il est sorti le 21 novembre. Non. Et si. Et puis donc, au prix de 19,99€. Donc c'est encore plus cher que ce qu'avaient annoncé les développeurs au début. Et nous ne sommes plus surpris de ce genre de choses. C'est une erreur du PSN, ça, ou pas? Parce que, non. Bon, peu importe le prix, c'est Sony qui prend son petit pourboire encore. Voilà, c'est ça, Sony qui définit le prix final. Le développeur va donner son prix à lui et après Sony définit son prix final. Il voulait 15 et c'était 20. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Et donc Trickster, bah, c'est un jeu d'aventure fantastique, Dungeon Crawler. Et donc, on va devoir affronter en fait des vagues d'orques à l'aide d'armes de main, un peu à l'ancienne, ou des arcs, des arbalètes, ce genre de choses. C'est Skyrim ? Non. Non, tout à fait. Ça vaut pas Skyrim quand même. Ça me fait penser à un jeu qui était sorti sur Steam au début du Valve, qui était dans l'expérience gratos de Steam, où tu arrivais sur des petits plateaux comme ça, en vue subjective, et tu foutais sur la gueule sur des orques et des trucs comme ça. Même graphiquement, ça me fait vachement penser à ça en fait. Ouais, il y a un petit côté cartoonesque. Ouais, voilà, cartoon, complètement. Ouais, qui fait penser un peu d'ailleurs à, j'avais dit quoi, un jeu un peu un wave shooter qui est sorti aussi sur PSVR il y a longtemps. T'as le Carnage, non? Bah non, rien à voir. Non, pas du tout. Sans vouloir te vexer. non, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est un jeu où tu peux jouer avec. Ah, tu parles de Ancient Emulator. Ah oui, d'accord. Mais c'est peut-être celui-là. On va parler entre professionnels. Laissez-nous. C'est celui-là ? Non, mais ouais, c'est ça, c'est Ancient Emulator. Et ça ressemble un petit peu, je trouve, graphiquement, c'est un peu le même délire. Avec plus ou moins de degrés d'aliasing, ça c'est autre chose, mais les niveaux par contre sont dans des nuages, entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas avoir des plateformes dans le vide et qui vont être créées un peu de manière aléatoire. Alors tu retrouves toujours les éléments principaux qui sont là, mais voilà, après des ennemis vont plus être tout à fait au même endroit. C'est du procédural. C'est du procédural, exactement. Et donc on va avoir quelques petites quêtes, quelques petites missions à faire pour réussir après à aller au portail au bout de la map. Et voilà. Et en fait, ce qui fait l'intérêt de ce jeu surtout, c'est le multijoueur qui a failli être retiré d'ailleurs. Au début, il était prévu pour ne pas sortir avec le jeu. Sur PlayStation VR. Aux États-Unis, il est sorti solo au début. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi ? C'est 5 jours avant, je crois, quelque chose comme ça, avant sa sortie, finalement, ils ont réussi à intégrer ce mode multijoueur. Et bah, clairement, la note, enfin moi, elle aurait descendu s'il n'y avait pas eu de multijoueur, parce qu'en solo, c'est quand même assez répétitif. Et en multi, tu peux jouer à 3, non? Alors, on peut être jusqu'à... Jusqu'à 3, ouais. 3, 4, ouais, c'est 3. Jusqu'à 3. Oui, soit plus de 2 autres personnes, oui, c'est ça. Et ouais, bah, c'est beaucoup plus fun avec des gens... avec des gens qu'on connaît encore mieux. mais c'est vrai que tout seul, les premières minutes, on va s'amuser. Et puis après, bah, on se rend compte que c'est un peu toujours pareil quand même. C'est un peu répétitif, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tout seul, ça pas... Moi, j'aurais du mal à le conseiller, en tout cas au prix fort. Après, il y a des bonnes petites idées. Il y a pas mal de contenu. Parce que donc, c'est pas un wave shooter. On est en déplacement libre. On peut aller prendre des coffres. Voilà, on va avoir différentes armes qu'on va débloquer au fur et à mesure. On va pouvoir les améliorer aussi. Et puis non, par contre, on a un mode wave shooter où on va devoir protéger un endroit. Et donc, il va y avoir des vagues d'orques qui arrivent en parachute. C'est des orques modernes. Et donc voilà, on va devoir les... un peu se sécuriser son petit lieu. Ok, combien de temps durée de vie. Allez, durée de vie. Durée de vie, alors... Ah, c'est compliqué pour ce genre de jeu, je pense. Ouais, très long, ouais. Très long. C'est compliqué, parce que c'est assez long. La difficulté, en plus, elle est assez montante. Elle devient assez balèze si tu joues tout seul. Parce que bah, t'as pas d'aide, t'as pas un bot qui est avec toi pour t'aider. Mais ouais, non, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Herbie, il a joué aussi pas mal avec moi. Moi, je vais vous donner mon impression. J'ai kiffé ce jeu-là, Trickster VR, franchement, à 20 balles. Ah ouais, j'ai kiffé. Alors, vous avez tous connu World of Warcraft qui est sorti en l'an 2000. C'était vraiment génial. Bah, là, je le compare un petit peu à ça, même si, voilà, on ne va pas être non plus dans du World of Warcraft. Mais c'est un mini-WoW, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans la peau de son personnage. On va avoir son bouclier, son épée dans la main. T'arrives contre des vagues d'orques, ça va pas être vraiment des vagues, mais tu vas avoir des orques qui arrivent sur toi, des archers en face de toi, tu vas les bourriner dessus, c'est énorme. J'ai joué en solo, j'ai commencé à le tester en solo en live, vous pourrez aller voir. Et en fait, t'arrives, bam bam, tu les castagnes et tout, tu peux avoir ton arc et tes flèches pour leur tirer dessus également. Excellent. Et donc j'ai joué une petite heure, j'étais pas revenu dessus, et puis avec Okami, on a fait Okami de VR Player, on a fait une petite partie en coop. Là, on a débloqué deux armes à une main, si tu veux, t'as deux armes à une main, deux épées à une main dans chaque main. Tu peux choisir entre deux armes à chaque fois, donc si tu veux, tu peux avoir bouclier plus épée ou l'arc. Tu peux avoir deux arbalètes plus l'arc, par exemple, les deux épées à deux mains. Là, tu castagnes. Un bâton magique aussi. Bâton, et ouais, après. Avec le livre de sort. Ouais. C'est ça, on a découvert ça en live. Si tu veux, on a rempli nos quêtes, puisque t'as des quêtes pendant le jeu. On remplit nos quêtes. Pendant que tu parcours ta map, tu vas découvrir des coffres avec des potions de vie, des potions de mana pour recharger tes effets de compétences sur les armes, puisque chaque arme a une compétence spécifique. Par exemple, sur l'arc, tu as une seule flèche. Quand tu as rempli ta compétence, tu as le droit à 3 flèches, donc forcément, ça fait plus de dégâts pour éliminer un ennemi, etc., etc. Et on finit nos quêtes, on arrive à la fin du niveau, et là, bam, on reçoit un trésor qui s'affiche dans le lobby. Oh, qu'est-ce que c'est? Et là, bâton magique avec le livre magique. Et vas-y, je te balance des boules de feu. Il y a du vrai leveling, c'est-à-dire que tu fais une partie, tu gagnes plein de levels, tu gagnes des objets, et quand tu rejoues avec d'autres personnes, tu peux changer complètement de style. Tu peux changer complètement de style, si tu veux. Ah, c'est bien. Peux passer mage, même pendant le jeu, si tu veux. Parce que si, par exemple, tu choisis d'être mage avec ton bâton magique et ton livre magique, ça va te permettre de faire un bouclier magique, donc un bouclier transparent, il est trop beau, franchement, qui va te permettre d'arrêter les balles ou les haches, puisque les orques, quand ils arrivent, ils te balancent des haches, donc c'est en temps réel, hein, voilà, t'as vraiment l'impression d'y être, quoi. Faut que t'arrêtes tes balles, faut que t'arrêtes les haches. Et si tu veux passer bourrin, c'est-à-dire que tu peux passer mage, comme je disais, et tu peux passer bourrin avec ton bouclier et ton épée. Donc, tu peux switcher entre les deux pendant la game. Et quand tu reviens dans le lobby, tu vas choisir tes armes. Et quand tu tapes sur un mec, t'as vraiment la sensation, un peu plus la sensation de donner des coups que dans Skyrim ou pas? Non, alors effectivement, je trouve que les sensations sont mieux dans le jeu avec tes PS moves quand t'es le mage, quand tu balances des boules de feu... ou alors quand tu es archer avec tes flèches, que t'as pas d'impact. T'as pas, là, c'est vrai que bah, ton épée, c'est ta PS Move qui va peser 200 grammes et ton une vraie épée, ça va peser 10 kilos. Donc forcément, t'as pas le moins le même effet, la même immersion, la même sensation. Mais franchement, ça vaut le coup. Voilà. Quand tu joues des personnages de loin, c'est pas mal. Et en coop, c'est encore mieux. Et on parlait du niveau de la progression des ennemis. En fait, si tu joues en solo, tes ennemis vont être ils vont être en mode normal, on va dire. Si t'as un mec qui te rejoint en coop, bah, tes ennemis ils vont être plus forts. Et si vous êtes trois, ça va être encore plus fort. Ça s'adapte. Donc, quoi. Ça, c'est pas mal. Ça va s'adapter au nombre de joueurs. Et bien entendu, tu auras en fait un système de progression. Ça va pas être une progression de personnage, mais ça va être une progression d'armes. Donc tu vas faire évoluer ton épée, ton arc, etc. Tu as plusieurs niveaux de progression à faire. Tu vas récolter de l'or quand tu vas réussir tes quêtes, quand tu vas fouiller des coffres, tu vas trouver des bourses. Et du coup, grâce à cet or, tu vas pouvoir débloquer tes niveaux, monter de progression pour pouvoir vaincre des boss, puisque tu as des niveaux, il y a des boss. Et il y a des missions où ça va être en mode épique, donc forcément tu vas pas y aller avec ton épée niveau 1 pour pouvoir battre des orques qui sont niveau 10 en face de toi. Donc, bonne pioche. Très intéressant. Une grosse profondeur de jeu. Franchement, c'est un bon boulot, très kiffant, je conseille. Et juste pour finir, au niveau de la map, vous avez 5 territoires, et dans chaque territoire, on va avoir différentes missions, on va avoir à peu près une dizaine de missions, dizaines de quêtes, et notamment, comme disait Sébastien, il y aura un territoire spécial où ça sera des web shooters. Ça, je l'ai pas testé, mais t'as des vagues d'ennemis qui arrivent, mais sinon le reste des missions, c'est pas un web shooter, c'est vraiment du déplacement libre, et on arrive et on s'y croit pour de vrai. Excellent, je le conseille à mort, franchement. D'accord. Et j'ai hâte de le tester à 3 maintenant. Sébastien, t'as autre chose à rajouter? Je pense qu'il a tout dit. Moi, je maintiens que c'est peut-être plus quand même en multi qu'on s'éclate le plus que en solo. Tout à fait. Apparemment, ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, et voilà. Pourquoi... Il faut le prendre si vous avez des amis avec qui jouer. Excuse-moi, Pierre. Et un compte PSN, enfin un compte PS Plus. Oui, voilà, PS Plus, bien sûr. Pourquoi t'as pas appelé ton article Trickster, le jeu qui donne la trick? Non. Je dois vraiment répondre à ça. C'est toi qui as pris le statut Laurent Ruquier aujourd'hui. Putaclic un peu. Et Trickster, c'est quoi? 35 niveaux, du coup, 18 armes, 9 types de quêtes et 5 régions à explorer. Voilà. Merci Google. Ouais, c'est ça. Merci Wikipédia. Non, merci PlayStation Store. Non, mais il faut savoir qu'au début, j'avais fait une blague avec Trickster. C'est une petite anecdote. Sur ma vidéo test et que j'ai retiré à cause de la loi YouTube, là je me suis dit ça va créer des petits soucis. J'avais ouvert mon test, vous savez, j'ai fait un petit test avec un orc, en compagnie d'un orc. Drôle d'ailleurs. Merci, c'est gentil. C'était un test, hein, un risque. Et donc en fait, j'avais fait une petite ouverture sur le. Je sais pas si vous avez connu Twister, le jeu. Ses membres, pas n'importe lesquels, mais sur des éléments, sur des poids de couleurs, comme ça. Bref, et donc il y avait une pub, Twister, c'est parti, nanana. Et voilà, et j'avais mis Trickster à la place de Twister, et c'était. Dit comme ça, ça paraît très drôle, dis donc, mais. non, mais je raconte mal, c'est pour ça. T'aurais dû le faire, on s'en fout. Donc, j'avais rien par rapport à la trick, c'était ça que je voulais dire. Je ne suis pas apporté que sur cette chose, monsieur Pierre. Rond de cuir. Non, mais de toute façon, maintenant, YouTube, il strike tout, donc t'auras même pu le faire. Ah, attention, avis, on verra le 1er janvier, en plus, c'est pas fini. L'affaire ne fait que commencer. Ça se trouve, c'est la fin, les amis. C'est la fin des haricots. Alors lâchons-nous. En tout cas, c'est la fin de l'année. Et avec un joyeux Noël qui va arriver, une bonne année, ça va être sympa. Exact. Moi je vais vous parler de Prey. Prey, le jeu qui est sorti, donc Arkane Studio, développé par Arkane Studio. C'est vieux ça, c'est vieux Prey. C'est vieux, c'est sorti en 2017, je crois, en mai 2017. Ouais. En plat. C'est édité par Bethesda, qui sont plutôt actifs au niveau de la VR. Et là, donc il y a Mooncrash, c'était un add-on qui était sorti au mois de juin. où il y avait un mode un petit peu roguelike qu'ils avaient rajouté, procédural, aléatoire, au jeu principal. Donc super bon jeu, Prey, je vous le conseille, même en plat, c'est de la bombe. Mooncrash, j'ai pas trop eu l'occasion de le tester encore, et puis en plus les roguelikes ça me fait chier, donc voilà, c'est pas trop mon truc. Mais là, depuis le 11 décembre, ils ont fait une petite mise à jour sur Mooncrash, donc le DLC, gratuite, où ils rajoutent Typhoon Hunter. Et Typhoon Hunter, en fait, ça rajoute un mode multijoueur en plat, où il y a une personne qui joue, donc quelqu'un, enfin, un humain, et 4 ou 5 autres personnes qui incarnent des mimiques. En fait, c'est des espèces de bestioles qui peuvent se transformer en objets du quotidien, comme ça, et puis c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, celui qui essaie de se faire bouffer et qui essaie de défoncer les bestioles avant. Qui a l'air pas mal, qui se prend quand même des grosses tôles sur Steam pour le moment. Je l'ai testé sur PC. Il se prend des grosses tôles parce qu'apparemment, techniquement, ça fonctionne pas. Enfin, les serveurs ont l'air d'être à la ramasse. En ce moment, wow. Bethesda Bug ou Bug oh Tesla. Fallout 76, c'est pas trop là, et pas en ce moment pour eux. Hein. C'est un peu compliqué. Je pense qu'ils sont pressés à ce qu'on arrive enfin à 2019 et oublier un petit peu tout ce qui s'est passé en 2018. Mais en plus, donc, avec ce Typhoon Hunter. Ils ont sorti une expérience, un bonus en réalité virtuelle, et j'insiste sur le mot bonus. Ça me fait un petit peu penser au niveau du contenu, un petit peu comme Rise of the Tomb Raider, en fait, quand ils avaient sorti Lara dans le manoir avec la petite enquête. Quand t'avais le jeu original, en fait, t'avais accès à ça. Et ben là, c'est un petit peu la même chose, en fait, quand t'as le jeu original plus Mooncrash, t'as donc un escape game en VR. Il faut Mooncrash, quoi. Il faut Mooncrash. Obligatoire. Ah, du coup, ça te coûte combien l'histoire, du coup ? Alors moi, à l'époque, bah, quand il était sorti, Prey, tu l'as 10 balles, 20 balles max. Il est toujours en promo dans les bacs d'occasion. Enfin, c'est très facile à trouver. Là, je vois Prey sur le store Europe, il a 40 euros en promo. Sur le store, faut le prendre version boîte. Tu le trouves à rien. Ouais. Et on est PlayStation VR, hein, monsieur Sey. Hein, et plus, donc Mooncrash qui est à 20 euros, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Mooncrash à 20 balles. Ce qui fait une note 60 euros, Maryse, pour avoir une expérience bonus. D'une heure. Ouais, moi je vais attendre. Non, un peu plus. Une heure et demie. Je vais attendre Wolfenstein VR, hein, je pense. Une heure et demie. Alors, ouais, une heure et demie, je pense. Bon, je l'ai pas terminé. Je développe un petit peu. Il y a trois maps, des maps qu'on connaît si on a déjà fait le jeu original, c'est-à-dire la chambre de réveil de test du début du jeu, le bureau de Morgan Yu, donc le héros du jeu qu'on incarne dans Prey original, et l'espèce de bar qu'il y a sur Talos One. En fait, c'est une espèce de base spatiale. Il y a une espèce de bar lounge. Ça, c'est la troisième map. Donc du coup le but du jeu ça va être de faire certaines actions, de faire de la recherche. Il y a des petites énigmes. C'est un puzzle game, un escape room en fait, plus exactement, parce que le but voilà c'est de réparer en fait des vitres holographiques. Il faut demander aux gamins de déraciner, ils vont t'aider. c'est ça, grâce au pouvoir de l'amitié. Moi j'ai bien aimé, en fait, j'ai retrouvé en fait des environnements que j'avais bien kiffé dans le jeu original. Maintenant, payer, donc si on calcule 60 euros uniquement pour ça, pour jouer uniquement VR, ça vaut absolument pas le coup du tout. Ça reste un bonus. Par contre, il n'y a pas du multi qui arrive en janvier ? A priori, ouais, donc justement, c'est le mode, je crois, c'est le mode Typhoon Hunter multi, celui avec les mimiques et le personnage principal. Ouais, mais donc, ça sort sur PSVR, ça, on est sûr. Eh ben, dernière nouvelle, je ne suis pas trop renseigné. Moi, je suis pas sûr, hein. C'est le flou total, j'ai un peu l'impression, hein, justement, de la version PSVR. Parce que payer 60 balles en disant dans 3 semaines, je vais avoir du multi VR qualité Bethesda. C'est cool sur Steam, mais sur PSVR, c'est pas assuré, hein, je crois. Hein. Pour le moment, j'en sais rien. Mais juste pour terminer, déjà sur Typhoon Hunter, petit détail, c'est du room scale à donf, en tout cas sur PC, c'est-à-dire que t'as pas de rotation à la manette, enfin au move en tout cas. Hein et, Et ouais, t'es obligé de te retourner en fait pour te retourner vraiment dans le jeu. C'est vraiment room scale à donf quoi. Et après, tu restes à 90 degrés tout le jeu. Comment à 90 degrés, comment ça? Tu te tournes et après, comment tu fais? Ouais, si tu tournes. Tu appuies sur la touche option, sur la touche start. T'avances ou... Ah non, c'est que tu te retournes. C'est-à-dire, tu regardes face au nord, tu commences le jeu face au nord, c'est une partie de ta pièce. Si tu vas regarder vers le sud, tu te retournes et tu regardes le sud. Et après, tu fais quoi? Et bah après, si tu dois avancer vers le sud en fait. Et voilà. Si tu dois avancer, après, pour avancer au niveau des mouvements, c'est uniquement de la téléportation. Tu restes sud. Okay. C'est ça. Alors ça c'est la version PC, hein, je le répète. Hein. Et du coup, Spank c'est dessus, il me semble, ce soir d'ailleurs. Et c'est lui qui va tester le jeu et il va nous confirmer justement s'ils ont rajouté les rotations qui sont essentielles pour la version PSVR. Où ils sont aussi... Parce que là s'il reste comme ça sera juste injouable. Hein. Les moves, une fois que tu auras la caméra dans ton dos et que les moves seront cachés, ça c'est mort. Hein. Donc voilà, c'est un truc un peu saoulant. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs VR, PC qui sont vachement attachés au room scale. Moi, ça m'emmerde un peu. C'est immersif, mais bon, j'ai failli manger mon sapin 2-3 fois. Donc, c'est un énorme thème, ça, tous ces jeux crossplay qui sortent sur PSVR, sur PCVR et qui sont pas identiques dans des phases de gameplay essentielles du jeu. C'est vraiment un gros problème, ça. Et on en a parlé d'ailleurs avec Steve il y a 2 semaines, c'est-à-dire qu'effectivement, lui, dans son jeu, pour le moment, il est uniquement sorti sur Steam. Quand il va sortir son jeu sur PSVR, il va devoir revoir un petit peu toute l'interface même de son jeu et tout mettre à 180 degrés devant, exactement. Donc je pense qu'il y aura aussi des changements au niveau de Typhoon Hunter, en tout cas, je l'espère, parce qu'en l'état. Ça reste un bon bonus, surtout achetez pas après et Mooncrash si vous comptez uniquement jouer en VR, ça ne vaut absolument pas le coup. Vous allez passer donc une demi-heure par map, passer un bon moment, mais c'est vrai qu'en plus. Génial si t'as déjà les jeux, quoi, par contre. Et si t'as déjà les jeux, effectivement, c'est vraiment super. Moi, j'ai adoré retrouver ces trois endroits que tu ponces bien pendant le jeu. En plus, c'est une préquelle, donc c'est assez anecdotique, hein, mais bon, c'est quand même sympa de retourner sur les lieux avant que ce soit le carnage dans le jeu. Et aussi, il faut connaître le scénario quand même, parce que, comme je disais, en plus j'en parlais à Spanx aujourd'hui, il y a un espèce de petit pistolet, enfin ça ressemble à un pistolet que tu retrouves dans la première map par exemple, sans trop spoiler. En fait, si tu n'as pas terminé le jeu original, je te me défie de savoir comment l'utiliser, hein, parce que c'est pas du tout un pistolet en fait. Ça ressemble à un pistolet, mais c'est pas un pistolet. Si tu n'as pas fini le jeu original, faut avoir le réflexe de l'utiliser comme il faut. What? Donc bon, voilà. C'est très bizarre, je veux pas trop spoiler, mais c'est les nanopodes, je crois que ça s'appelle. Il y a une action à faire, et si t'as déjà terminé le jeu original, tu sais comment faut faire. Si tu l'as jamais fait, bon courage. Donc voilà, après, on va voir ce que ça donne sur PSVR. En l'état, en tout cas, si vous n'avez jamais joué au jeu original, fuyez, pauvre fou. Est-ce que le jeu est sorti sur PSVR, là? Il est sorti hier. Donc on enregistre le 13, il est sorti, je crois, le 12 au soir. Ok. Sur le store. Voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite, on va parler de. Ouais, vous avez des questions du coup? Ou s'en fout? Non. Non, Spank est pas là, donc on va dire c'est de la merde. C'est de la merde, allez. Spank, à la tienne. On va passer vite fait sur les petits jeux aussi qui sont sortis dernièrement. Il y a quand même un jeu, je pense que Herbie va dire une phrase, deux phrases sur In Death, parce que je crois qu'on en a pas parlé de ce In jeu. In Death, non. In Death, tu veux que je te parle de In Death? Eh bien, In Death, oui, c'était pas mal. Alors attends, je me mets sur la piche. Merci Herbie. Alors on passe à la suite. Voilà, c'est deux phrases. Tu m'as mis sur la touche. Indes, il est là, il est à 30€. On achète. Et il est sorti le 27 novembre. Alors c'était un roguelike que je connaissais pas spécialement. C'est pas le type de jeu auquel j'ai joué auparavant. Moi j'ai bien aimé. Personne n'a testé autour de la table? Non. C'est pour ça qu'on te demande. Okay, alors il a bien aimé et il l'a retourné. Il est plutôt sympa, vraiment sympathique. Par contre, c'est vraiment un jeu spécifique. Ça veut pas dire que ça sera pour des joueurs qui auront vraiment une attente sur ce type de jeu-là. Puisqu'en fait, si tu veux, ça va être des niveaux procédural. Donc ça, à chaque fois que tu meurs et que tu respawn, tu auras des niveaux complètement différents, des points de respawn des ennemis différents à différents endroits. Donc ça sera jamais la même chose. Et tu as un système de progression À chaque fois que tu meurs, tu auras accompli des actions dans ta vie précédente qui te permettront de faire évoluer un petit peu ton personnage. Par exemple, dans le jeu, tu as soit le choix entre un arc ou une arbalète. Au début, tu as un seul slot, comme on dit, une seule flèche. Et au fur et à mesure que tu vas progresser dans le jeu, ben, tu vas pouvoir débloquer par exemple deux flèches sur ton arc, trois flèches, quatre flèches, etc. Tu auras des flèches différentes à débloquer, explosives, de glace, de foudre, etc. Et ouais, j'ai bien aimé, vraiment très très sympathique. Ça se joue soit au PS Move, soit à la manette. Au PS Move, quand tu as l'immersion avec ton arc et tes flèches, vraiment t'as l'impression d'y être. Tu as une flèche spéciale, donc tu as deux modes de déplacement. Tu as le mode libre, où tu vas pouvoir te déplacer librement. Le personnage marche un petit peu lentement. Et en fait, tu as également le système de téléportation, c'est-à-dire que tu vas avoir une flèche, tu vas l'envoyer à un endroit, ça va te téléporter à l'endroit désiré, et tu vas pouvoir jouer de deux façons différentes dans cet environnement. C'est un environnement de cathédrale, de médiévale. C'est un monde médiéval flottant, donc procédural. Donc tu vas pouvoir jouer de deux façons différentes. Si tu as envie de jouer un petit peu bourrin, tu vas passer carrément à l'intérieur des églises, des bâtiments, affronter l'ennemi. Et si tu as envie de jouer un petit peu plus assassin, tu vas pouvoir, grâce à ta flèche de téléportation, te déplacer sur les toits et te jouer un petit peu plus assassin, jouer plus tranquillement, éliminer les ennemis, etc. Mais ça reste un jeu assez hardcore gamer quand même, hein. C'est hardcore gamer à fond. Il faut vraiment en vouloir, puisque au niveau des trophées, tu as des tonnes de trophées. Il faut éliminer, par exemple, j'ai plus le chiffre exact, mais il va falloir éliminer 3000 types d'ennemis, par exemple. Ouais, on est à 2300 ou un truc comme ça, si tu veux. Donc c'est très intéressant. Je disais donc que c'était au PlayStation Move pour avoir une bonne sensation à l'arc, mais c'est jouable également à la manette. Donc si vous n'êtes pas PS Move, vous pouvez jouer avec. Très rapidement dans le jeu, vous allez pouvoir débloquer une arbalète. Et c'est vrai qu'on a quand même une bonne immersion dans le jeu pour jouer à la manette avec cette arbalète. Je trouve que c'est un petit peu plus facile de jouer à la manette, puisque si tu veux, sur ta manette, tu as tes sticks analogiques, donc pour te déplacer librement, mais tu as également tes flèches qui vont te permettre de faire des dashs. Les dashs, ça va te permettre de te déplacer rapidement d'un côté à un autre, droite, gauche ou devant toi ou en arrière. Et c'est vrai que c'est très utile, puisque quand tu as une dizaine d'ennemis qui commencent à t'arriver dessus, au PS Move, on galère un petit peu plus. Alors, il y a eu plusieurs patchs disponibles dernièrement. Il y en a eu 3 ou 4 depuis la sortie du jeu. J'ai pas testé le tout dernier patch. C'était un petit peu mieux amélioré au niveau des PS Move, mais je pense quand même que c'est quand même beaucoup plus jouable à la manette, surtout si on a envie d'accomplir tous les trophées et parcourir les deux mondes différents. Alors du coup, c'est bien. C'est bien pour un type de joueur averti. Ouais, carrément. Ouais. D'accord. Il y a deux mondes, juste pour finir, tu as deux mondes, si tu veux, deux mondes différents, deux environnements différents, et tu as deux boss dans chaque monde. Donc tu arrives à la fin de ton monde 1, tu as un boss, tu le vins, tu arrives au monde 2, tu finis ton monde 2, tu arrives au boss du monde 2, et tu redémarres, si tu veux, ton monde 1, et c'est infini. En fait, tu as une vie. D'accord. C'est infini, et le but, c'est d'aller le plus loin possible, de tuer le plus de monde possible, de faire le meilleur score possible, puisque tu as un leaderboard, je sais plus comment on dit en français. Tu as le score, leaderboard, voilà, le score des joueurs. Et donc, tu peux comparer tes scores par rapport à tes amis, et ça peut être une espèce de défi. Vraiment très intéressant. Mais voilà. Regardez plusieurs tests sur VR Player et sur la chaîne pour avoir de plusieurs avis, puisque voilà, il y a plusieurs avis qui divergent sur ce jeu-là. Ouais. Et allez voir plusieurs tests si ça vous intéresse avant d'acheter, puisque c'est quand même 30 euros et c'est pour un public averti. Ouais. D'accord. Bon savoir. Alors donc, si il y a Persona qui est sorti, donc c'est Dancing quelque chose là. Herbie, tu t'en sais un peu plus? Moonlight Dancing Moonlight. Il y a deux jeux qui sont sortis de Persona. 3 et 5, je crois. Ouais. Les spin-off de Persona, justement, sur la danse, alors que Persona est déjà un spin-off de Shin Megami Tensei, si je dis pas de conneries, je crois que c'est ouais, ça. Ouais, mais je sais pas si on doit vraiment finalement parler de ces jeux, parce que ce sont des jeux 2D, non. De danse, qui sont sortis, qui plaisent particulièrement aux joueurs japonais, les jeux de rythme. Oui, exactement. Mmh. Mais ce sont des jeux compatibles PSVR. Et qu'est-ce que c'est la comptabilité PSVR? C'est comme dans plein de jeux de nana habillée, en fait, tu peux voir tes personnages selon différents costumes. Ouais, c'était Ken 7, quoi. Et tu ne peux pas jouer en VR dans le jeu de rythme, qui est le seul intérêt du jeu, si on peut dire qu'il y a un intérêt. Donc, c'est vraiment à oublier, surtout que ça coûte 60 balles chaque jeu, quoi. Ouais, c'est... Ça reste du bonus, quoi. Bonus en plus, si vous avez le casque, et eh ben on pouvait faire ça, mais ça n'a pas un grand intérêt. Quoi. Non. Bah, ils ont sorti en plus les démos là de Persona 3, Persona 5. Donc j'ai passé du temps à télécharger ce jeu, ces démos pardon, et en fait il s'est marqué compatibilité PSVR. Bah, perdez pas de temps puisque on ne pourra pas tester les démos sur le PSVR. Ça c'est vraiment, okay. C'est dans à mettre dans le même sac que du Tekken 7, ces jeux-là qui mettent leur compatibilité VR sur la boîte, mais c'est ouais. C'est plus du scandale VR, du vrai scandale marketing, pour le coup, quoi. Qu'autre chose. Ou pour les gros fans de ce style de jeu. Bon, oui. En tout cas, vous êtes prévenus comme ça, vous serez pas surpris si vous aimez la licence foncée, mais bon, après, vous savez qu'en ouais. VR, c'est pas très intéressant, quoi. Non, ça sert à rien. Ok. La démo de Moss, vous voulez en parler ? Bah oui, une petite démo de Moss pour ceux qui connaissent pas le jeu, bah foncez, hein, parce que c'est le moment d'y aller. C'est il y en a qui top, connaissent pas. Je pense que les nouveaux joueurs PSVR ne connaissent peut-être pas Moss, hein, jeu d'aventure par Paul Yerk qui est sorti. Février, voilà, de cette année. Le 27 qui est très très bien. T'as la date en tête encore, Cilian, ça t'a marqué ce jour-là, on dirait. Bah, c'était le lendemain de mon anniversaire, donc c'était un vendredi. Et c'est une démo qui vaut le coup parce que c'est vraiment une démo proche du jeu, c'est pas la démo du démo disque 2. Ah oui, qui était flou. Qui était vraiment pas top à côté, qui était un peu technique. Les textures étaient pas finies, c'était pas tout à fait les mêmes paths. Et c'était pas le jeu Moss qu'on connaît aujourd'hui, qui est beaucoup plus beau. Bah là, c'est une démo vraiment... tirée du jeu, je suppose, quand même. Donc, ouais. On retrouve la réalité du jeu par rapport à ce qu'on va acheter. Et Moss, ça reste un jeu magnifique en VR. Trop beau. Avec la petite souris Quill, voilà, vous incarnez une souris à travers des mondes, des environnements différents. Juste énorme. Enchanteur, des top 10 du PSVR, pour ma part. Et ouais, pour le magazine The Guardian, Moss fait partie des 20 meilleurs jeux de cette année. En premier, ils ont mis, sur les 20, mais en premier dans les jeux PSVR, ils ont choisi Tetris Effect, ensuite Astrobot et ensuite Moss. Ouais, c'est partie des 20 meilleurs jeux de tous les temps de l'année. Tetris en premier. C'est étonnant ça. Enfin, ça m'étonne quand même. Ouais, quoi, Moss? Non, Tetris en premier. Ouais, Tetris en premier. Non, il n'est pas premier, mais il est cinquième, sixième. Sur le classement PSVR, le mettre avant Astrobot, c'est. Mais c'est un jeu bien. PS4 aussi, hein. Mmh. Ah oui, d'accord. Par contre, sur le top 50 de VR Player, on a retrouvé Astrobot en numéro 1, Moss en numéro 2, et si je ne me trompe pas, vous me dites si je me trompe, et en troisième position, on a eu. Resident était 2. Resident Evil, hein. Donc ouais, ça m'étonne pas, des bons jeux de plateforme, voilà, Moss. Très très bon. Moss il cartonne, il est trop beau, c'est une belle fable, c'est vrai qu'il est un peu court, j'ai pas le prix sous les yeux. Exactement. Parce qu'il est très bon aussi, hein. Il est très bon, donc du coup ça passe vite. Hein. C'est vrai, Moss, très bon, ça passe vite. Il est en solde aux États-Unis, et alors ne le commandez pas tout de suite, à mon avis, il va être en solde à Noël cette année. Très bientôt, ouais, c'est sûr. Enfin, il a jamais été en solde. Hein. En janvier, peut-être. Ouais. Il a jamais été en solde, celui-là. En Europe. Bah, il a gagné des awards, hein. Alors, awards de je sais pas quoi, mais il a gagné quelques titres. Hein. Et il a été patché, et il est encore plus beau. Et on attend le livre 2. On attend le livre 2. On l'attend avec impatience, en tout cas. Oui, moi, c'était une démo, mais il y a eu Squishies en démo, il y a eu Astrobot en démo, donc c'est vraiment la mode des démos à part, et ça c'est très bien pour pouvoir tester. Mais c'est très bien. Très bien. Prison Boss VR aussi en démo. Il y a plus de nouveaux utilisateurs, donc c'est cool qu'ils puissent tester, grappiller un petit peu à droite à gauche. Hein. C'est vraiment une très bonne chose, ça. Il y a beaucoup, beaucoup de démos finalement hein, sur PSVR. Et, ouais, il y en a une bonne vingtaine. Hein, entre sur les 2 ans de jeux sortis, ouais, entre 20 et 30, je dirais. Plus le disque de démo VR, il y en a, on en est au disque numéro 1 et 2. On pensait avoir un disque de démo VR 3. Moi, j'en ai parlé personnellement sur le site VR4Player. Mais finalement, c'était annoncé et il aurait dû sortir au mois de septembre, octobre, et toujours pas de traces. Donc rien. Ouais, c'est dommage. J'ai un peu peur. On verra. Rapidement, donc on est le 13, ça fait au moins la troisième ou la quatrième fois que je le dis depuis le début de l'émission. Il y a Borderlands 2 VR qui est sorti aujourd'hui hein, d'ailleurs, qui est disponible. Oui, on parle pas de Space Pirate Trainer, on parle pas de Picture Party VR, on parle pas de Prison Boss VR, ni de Gun Stories Bulletproof, ni de l'expérience Riches Plank Experience. On va pas faire 4 heures d'émission. C'est pas possible. Sinon, il y a du. Et à mon avis, sans être ni Arcaspas, même Arcaspas, je pense que ces jeux, malheureusement, sont pas au du niveau. Ouais, voilà. Alors que Gungrave l'est, forcément. Donc, Borderlands 2. C'est une grosse licence et voilà, il faut dire aussi que c'est pas bon. Quand c'est pas bon, faut le dire. Hein. Bon. C'est vrai. Plus attendu, peut-être aussi. C'est ça. Je dirais juste pour Prison Boss VR, vous avez la démo disponible sur le store US, donc si vous avez un compte US, allez-y tester. À voir, je ferai un test plus poussé parce que je pense qu'il y a moyen de s'amuser sur ce jeu-là. Ouais, mais on a tellement tapé sur Job Simulator qui pourtant a rencontré un succès énorme. J'avoue. J'ai du mal. À voir, un petit peu plus poussé, je pense que plus poussé que la démo. On en reparlera, j'en ferai une vidéo et on en reparlera dans un prochain podcast sur ce jeu. Je pense que vraiment ça peut être rigolo. Mais Seaside, qu'est-ce que tu nous disais? Borderlands, what? Ah, c'est bon, je peux y aller? j'aime bien le faire, le mec vexé. Quoi. Ah bon, c'est bon, je peux m'exprimer. C'est ton émission? Hein je me demande des fois. Borderlands 2, ouais, bah, ça va être très rapide. Hein. Mais qu'on l'a pas testé encore sur PSVR. Ça sort en VR. Il sort dans 3 quarts d'heure. C'est complètement. En plus, dans 3 quarts d'heure, c'est vrai qu'il est 23h15. C'est le podcast de la transparence ce soir. Bonjour. Donc voilà, Borderlands 2, est-ce qu'il faut le présenter? C'est un jeu coopératif. En tout cas, en plat, c'est un jeu coop, très intéressant, extrêmement bien écrit, avec une super ambiance post-apocalyptique, une grosse composante RPG, malgré le fait que ce soit un FPS, principalement, et donc, maintenant, on va pouvoir le tester en VR, en solo, uniquement, avec les déplacements libres. On pense, en tout cas, on espère que ça sera en français et traduit en français et au niveau de l'audio et des sous-titres aussi, parce que ça fait vraiment partie des grosses qualités du titre hein. C'est son écriture apparemment sur le PS Store Europe hein, c'est bien marqué audio français sous-titres c'est super français, donc, ça m'aurait étonné le contraire hein, mais bon après, on sait jamais hein, les surprises, le français donc, c'est très très bien. Donc en tout cas, il nous tarde de le tester, de mettre la main dessus. Je pense qu'une fois qu'on aura terminé d'enregistrer le podcast, il y a Sillon qui va se barrer très très rapidement pour pouvoir le tester. Je sais déjà à quoi m'attendre. Hein. Ouais. Ah bah oui, ouais. Je sais déjà. Tu sais que ça c'est. C'est-à-dire que on est encore sur du remaster. Hein. On est dans la mode. C'est un jeu remaster. PS3. C'est un jeu PS3. Au départ. Voilà. Hein, on a eu Skyrim, on a eu Wipeout. On va avoir, si on reste dans le thème des remasters, on va avoir Resident Evil 2, on a eu Spyro en 2D, etc. Et donc, Borderlands, c'est un vieux jeu, finalement. Mais ce qui va être beau, alors, parce que tu dis remaster de Wipeout qui est quand même magnifique. Bah, il est quand même plus regardable qu'un Skyrim, qui date, je peux le dire. Mais quand tu verras les ennemis de loin, tu te demanderas si c'est vraiment un ennemi, à la base. D'accord. À cause du cel shading et à cause des limites techniques du PSVR. Les soucis que moi j'ai surtout pu déceler déjà, c'est tout le côté portage. C'est effectivement que ça date. La jouabilité au move, qui est quand même assez... Ça demande de l'investissement. Et les vidéos, tout ce qui va être passage vidéo et l'histoire, comme disait Sei, est très importante et très drôle hein, dans Borderlands. Mmh. Et ben, fun, ouais. Ça va être du flat. Ah, oui, d'accord. Ah, ouais, un petit peu comme Hellblade, justement, aussi, qui est une fois que ça passe en cinématique, ton environnement en fait, qui est complètement en relief et en 3D, se transforme en une espèce de petite vie de pastille, ouais, comme si tu étais dans une salle de cinéma. Ouais. Et c'est comme ça que ça. Ouais, c'est un peu dommage. Ça mais bon. Casse un petit peu, c'est très dommage. Ouais, un petit peu, ouais. À mon avis, sur PCVR, ça sera une autre histoire. Et l'immersion en prend un coup, du coup. Bon, par contre, moi j'ai jamais fait Borderlands. Pourquoi j'ai jamais fait? Parce que ça m'a jamais trop attiré non plus. Parce que le mélange FPS, action et le côté RPG, je trouvais que ça se conjuguait peut-être pas très bien. C'est une erreur. Ça marche du feu. Hein. Mais en fait, super. Bon, je te crois. Et je suis très content de l'avoir jamais fait finalement. Parce que là, je vais vraiment le découvrir pour 50 balles hein, aussi, il faut le dire, en VR. Mais je sais déjà qu'il y a des limites. Mais après, c'est le quatrième gros jeu du PSVR. Hein. Après Resident, le patch Wipeout, Skyrim. Voilà, c'est le quatrième gros jeu qu'on a en 2 ans. Il y a juste ce gros problème, parce que ça reste quand même un jeu principalement coopératif, où tu pouvais jouer jusqu'à 4, donc avec 4 personnages différents et 4 classes différentes. Je crois que là, il y a Claptrap qui apparaît en 5e personnage dans cette version là. C'est ça. Mais voilà, c'est le fun de jouer avec ton pote et de tout défourailler dans une débilité la plus totale. Et ça justement on le perd en fait, et donc du coup en solo, je pense que l'intérêt de la VR, enfin le fait de pouvoir y jouer en VR, ça va contrebalancer un petit peu, pas la monotonie, mais tu vois le côté un peu moins intéressant quoi que du jeu en coop par rapport au jeu original. En tout cas, je l'espère, mais c'est vraiment dommage qu'ils aient pas rajouté ça, qu'ils aient pas pu a priori rajouter ça, parce qu'ils ont complètement changé le gameplay, le système de jeu. En tout cas, c'est ça qui explique le fait que tu ne puisses y jouer uniquement qu'en solo et pas en multi. Ouais, en et puis la fausse excuse de Gearbox Software qui dit qu'ils n'ont pas intégré pour le moment le coop dans Borderlands à cause du changement de jouabilité qui inclut des ralentissements de temps. Franchement, moi je préférerais 10 000 fois plus jouer avec un pote que de pouvoir ralentir le temps. Hein. Bah, c'est clair. C'est clair. Bah ouais, c'est ce qui me manque dans des jeux comme Skyrim ou autre. Hein. Skyrim, tu pourrais y jouer à 2, à 3, à 4, à la WoW. Skyrim, c'était pas prévu du départ. Ça serait énorme. Bah, t'as qu'à jouer à Fallout 76. Hein, si tu... Ah non, mais j'ai pas le temps pour ces merdes. Hein. C'est le cas de le dire, hein, je pense en plus. Bon, bref. C'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. On vous fera un test. Le plus rapidement possible. Mais moi, j'ai la question qui me taraude, c'est que est-ce que sur PSVR, sur cette première génération grand public de la VR, est-ce que les grands jeux, en ce qui concerne les grands jeux, on sera toujours obligé de passer par des remakes qui ont 2, 3, 4 ans? T'es obligé d'utiliser en fait des jeux de la génération précédente pour avoir. Ça reste un grand jeu en plus, hein, Borderlands, hein, si ça termine bien en quoi, sûr, 50, bon 60 heures. Mais oui. Mais qu'est-ce que tu vas pas mettre un God of War en VR maintenant ta machine tu... Mais attends, mais parce que ça serait dégueulasse. Les techniques d'aujourd'hui, qu'ils mettent en adéquation les limites techniques du PSVR et les techniques d'aujourd'hui, et aussi les, je veux dire, la lecture, même si encore une fois l'histoire de Borderlands est bien racontée, quelque part il y a beaucoup de mécaniques de jeu, d'histoire, de scénarios qui sont obsolètes. Et ça m'énerve, moi. Enfin, à part Resident Evil, qui est sorti en janvier 2016, ou c'est ça, hein. C'est pas faux. Ouais, 2017, du coup. C'est pas faux. Hein. Celui-là, c'est vraiment le contre-exemple. Hein, ça me frustre quand même sur le PSVR, c'est que finalement, les grands jeux, ça sera que des remakes qui sont datés. Les grands jeux dans le sens licence AAA de plus de 50 heures. Hein. C'est ça que je veux dire. Hein. Bah ouais, d'où l'intérêt, ouais je sais pas, d'où l'intérêt aussi d'avoir une rétrocompatibilité quand la PS5 sortira, parce que tu pourras comme ça avoir en bonus une adaptation peut-être des jeux en VR, mais des jeux de la génération précédente. J'imagine pas un Horizon ou un God of War ou déjà sur PS4 normal en flat qui ont tendance à pas mais ramer, je, mais tu mais vois. Mais je veux pas un remake. Un petit peu. Moi, je veux un jeu original sur PSVR. Je veux pas un jeu original. Je veux pas un God of War. Je connais déjà. Mais t'en as des jeux originaux quand même. T'as merde, Solus Project. T'as Strobot. Avant de sortir sur PSVR, il avait déjà un an. Sur Xbox, il est sorti un an avant. Hein, sur bah oui. Non mais d'accord. Ah, mais on aura du gros jeu sur le PSVR 2 de toute façon, ça c'est sûr et certain. C'est pas. D'accord. Là, mais on est d'accord. Mais sur cette génération de PSVR 1, V1, V2. Moi j'attends toujours, après Resident Evil, un vrai jeu, ouais, idéalement pas compatible comme Resident Evil, mais. Astrobot fait. Mais ouais. Non, bah, bah, évidemment, c'est un petit peu la carte maîtresse Astrobot que tu sors un petit peu quand t'as plus vraiment d'arguments. Hein, mais je t'en sortirai, je m'en rappelle plus du nom, sur le vaisseau où tu affrontes, c'est en mode procédural. De Persistence Persistence, hein, voilà, c'était quand même un excellent jeu également. Quoi. J'adore. C'est pas du triple. C'est pas du triple. Malade, hein, d'accord. Hein. Non, mais. Est-ce que c'est le studio qui fait la qualité du jeu ou est-ce que c'est les bonnes idées en fait quand tu développes T'as déjà eu Resident Evil et ils te ressortent Persistante qui est un bon jeu, mais exactement finalement dans le même genre. Moi je voudrais. D'un autre genre à ce moment-là, mais original. Non, je comprends. Donc, bon, on ressort Astrobot avec ça, y est alors. Voilà. Il est excellent, mais. Voilà, je suis frustré de ce côté-là. Mais on l'est tous un petit peu, et puis on est d'accord. Et puis, bon, encore, nous, on est des verts optimistes ouais. Sur la réalité virtuelle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et justement, ce qui revient souvent dans les discussions quand on est contre la VR, c'est que c'est pas au point, c'est qu'il n'y a pas de gros jeux, etc., etc. Faut pas oublier, ça on l'a déjà dit en podcast, on l'a déjà dit dans les tests ou n'importe quoi, c'est que on essuie les plâtres. C'est-à-dire que là, la VR, en tout cas sur console, ça a 2 ans, c'est tout jeune. 2 ans, c'est quoi? C'est clair. Au niveau de la technologie, c'est pénal. Ouais, mais pourquoi ils nous mettent des jeux recyclés? Mais parce que justement, en fait, ça permet en fait d'avoir des jeux qui sont pas très gourmands technologiquement. Et ça leur coûte moins cher. Ils ont déjà fait tous les doublages. Ils ont fait avec des moteurs éprouvés, évidemment, parce que ça reste un marché de niche. Et tu ne vas pas mettre des ronds, des 1000 et des 100 dans un jeu sur un périphérique que les gens n'ont pas forcément. Que la majorité et qui rapportera pas et que la majorité des gens n'auront pas forcément. Ça c'est une histoire de gros sous, bien évidemment. Mais bien évidemment, et c'est comme ça que ça marche, c'est une heure de la guerre. Et moi, je me mets à la place d'un mec. Génération où ça va vraiment décoller. Pour tester des trucs. Je me mets à la place de quelqu'un qui a déjà fait Borderlands, qui l'a retourné, il a acheté un casque VR. Est-ce qu'il va racheter Borderlands 2, quoi? Moi, j'adore Borderlands 2. Je l'ai poncé en flat sur PC quand il est sorti à l'époque. Je ne vais pas reprendre la version VR. Ça m'intéresse pas. Tu vas pas le faire, ouais? Non, je vais pas le faire. Ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, je vais l'essayer chez Spanx, je pense. Bah, tu vois. Je vais l'essayer. T'auras le moyen de l'essayer, mais après, par exemple, aujourd'hui, je viens de rencontrer un mec qui jouait à Skyrim sur PS3, PS4. Il a testé en VR, etc. Je pense que ça dépend vraiment du style de jeu ou du style de licence et de personne si vraiment on a accroché. Il l'a fait vraiment dans toutes les coutures et puis il est sorti sur PSVR et puis il l'a acheté. Alors c'était Skyrim, c'était pas Borderlands 2. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont l'acheter ce jeu-là. Skyrim, je l'ai pas fait sur flat parce que ça m'intéressait pas. Je trouvais déjà que c'était trop old school. Mais je le fais sur VR et je continue d'y jouer. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui. Même s'il est arriéré quelque part, et c'est ça, il y a plein de mécaniques de gameplay qui sont, tu peux plus accepter ça en 2018-2019. Tu parles de Skyrim là ? Là, je parle de Skyrim. Ouais, mais si tu restes sur du vieux jeu entre guillemets quoi, ça arriéré comme tu dis, donc tu acceptes que ça fonctionne pas, mais bon. Non. Vous êtes durs les mecs. Hein. Non, mais Skyrim, tu peux pas. Les pauses, les changements d'armes. Il y a quand même une profondeur de jeu assez incroyable dans Skyrim. Le fait de changer d'arme et de faire pause et en VR, c'est incompatible. Pour l'accès des menus, tu veux dire? Oui, tu tires les flèches, t'as plus de flèches ou le mec il est à bout portant, tu passes aux épées, même s'il y a des raccourcis quelque part. C'est vrai, à ce niveau-là, c'est ça casse un peu. Et donc Borderlands, je connais pas le jeu, donc je vais pas me prononcer sur les mécaniques de gameplay. Mais j'ai peur, quoi. Bah non. En fait, enfin, au niveau des armes, de mémoire, tu as une arme principale, une arme secondaire, et peut-être même une troisième, une quatrième arme, en fait, que tu switches en appuyant sur un bouton. En tout cas, c'est comme ça que ça marchait sur PC. Enfin, tu scrollais avec ta souris. Et donc, du coup, ça se fait assez naturellement, en fait. Hein. Tu veux avoir ton arme de poing, et t'appuies deux fois, et puis tu l'as, quoi, directement en main. Donc ouais, c'est très simple, hein, Borderlands, hein, mine de rien. Tu vas un petit peu dans les menus pour faire ton personnage, pour le faire monter à ta façon, en tout cas le configurer comme tu veux, débloquer des aptitudes, etc. Mais une fois que t'es en jeu, c'est ultra fluide et ultra simple. Hein. Donc bon, j'espère qu'en VR, ça sera optimisé comme ça. Les vidéos de gameplay que j'ai pu voir jusqu'ici sont plutôt encourageantes, mais voilà, bon, ça restera compliqué à distance, très loin. On testera. De toute façon, c'est un jeu, vraiment, il faut plusieurs heures de jeu pour pouvoir sortir un bon test et à tester, quoi. On verra ce que ça donne. Moi, ce qui m'embête, parce que j'ai pas une nouvelle des développeurs, mais c'est de mettre 50€ dans le jeu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour 50€? C'est pour ça que j'y rejouerai pas en VR. Moi, je trouve que c'est pas cher parce que je l'ai jamais fait. Et je trouve que c'est pas cher. Tu y as jamais joué, donc forcément, c'est intéressant. C'est super de le découvrir comme ça, en VR, je pense. Hein. Ça va être une super expérience, hein. Mais quand tu y as déjà joué... Combien d'heures de jeu, du coup, l'heure de jeu, tu sais à peu près la durée de vie ou... La durée de vie, ouais, je disais tout à l'heure, c'est entre 50 et 60 heures. Ah ouais, j'ai pas entendu. Ah ouais, d'accord. C'est énorme. Elle est peut-être 40, parce que je t'avoue que dans ma tête, c'est un petit peu embrouillé, sachant que j'avais fait tous les add-ons et tous les DLC qu'il y avait, qui étaient extrêmement longs et extrêmement diversifiés aussi. Et qui ne sont pas dans la version VR. Ça aussi, ça. Mais bon, rapport qualité-prix, normalement, c'est quand même pas mal. Après, on verra graphiquement, mais. Sur le catalogue PSVR, c'est très très bon. Toi, Sébastien, c'est quoi ton ressenti sur Borderlands de VR? Moi, j'avais fait uniquement le 1, en fait. Borderlands 1 sur 360. Et j'avais beaucoup aimé l'univers, le style graphique et tout ça. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de faire le 2, j'étais un peu passé à côté, et je suis curieux, en fait, je suis curieux. Ce qui est sûr, c'est que je le prendrai pas là en neuf à la sortie. Je vais attendre un peu des promos et puis des retours aussi pour voir. Mais pourquoi pas? J'aime bien l'univers. Si t'as aimé le 1, t'aimeras le 2. Ça peut carrément fonctionner en VR, donc Mais voilà, on a ou bien des petites expériences sur PSVR, ou bien des remakes de plus de 60 heures. C'est ça qu'on a. On peut pas avoir un jeu original de plus de 50 heures? C'est trop tôt, je te dis, à mon avis. Ouais, non, c'est ça. C'est carrément ça. Tu ne trouveras pas un développeur qui va mettre Max Deron, développement AAA, avec une très belle réalisation, une très belle musique, tout simplement des doublages français. Qui le sort en exclu sur PSVR et après sur PCVR s'il veut. C'est pas un problème, il va retrouver ses ronds. Et après, il peut le rendre compatible flat s'il veut. Mais je pense que t'as besoin franchement d'un retour sur investissement plus rapide que ça, quoi. C'est ça, t'as raison, c'est ça. Mais c'est frustrant. C'est frustrant, je suis d'accord. Faut être patient. Je suis d'accord. Faut être patient. C'est pas pour cette génération, de toute façon, ça on le sait. Ouais. On a beau être optimiste, on sait très bien comment ça fonctionne, hein, mais. Vous pensez pas qu'un jour on aura tous les jeux flat, ils seront aussi VR? Oh, ça viendra. Ouais, si, je pense que ça viendra, parce que c'est possible. De toute façon, sur PC, tu vois de plus en plus de jeux qui sont très très très très beaux, très gourmands, qui sont adaptés en VR avec un petit peu d'ingéniosité de la part de certains modeurs. Et ça fonctionne, super bien. Donc il n'y a pas de raison que dans quelques années, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans peut-être, hein, on aura au moins un truc, une petite option quelque part, VR. Et après t'as le choix. Ceux que ça fait chier de mettre un casque et de passer 2 heures dessous pour jouer, ils ne seront pas obligés de le faire. Et voilà, quoi. Je pense que ça va. Je suis déçu qu'on n'ait pas eu Hellblade par contre, parce que ça aurait pu être sympa. Ça. Sur PSVR? Ouais. Encore un remake? C'est... Non, non, mais le... franchement, c'est de la bombe. En VR sur PC. En VR, c'est vraiment de la bombe. Bah ouais, j'imagine. Déjà, j'adore le jeu original. Ouais, mais il est beaucoup trop gourmand. Ah, c'est toujours le même problème. Ouais, il est à 30 FPS, je crois, en flat sur PS4 normal, Hellblade, il me semble. Mais ouais, c'est ta PS4 de merde qui nous fait chier, là. Mais je compense ça grâce à la grosse taille de ma carte graphique sur PC, donc tu vois, je peux pas tout avoir. Hein. Énorme. Voilà. Donc voilà. Bon, enfin bon, voilà, c'est... voilà, c'était un petit coup de gueule quand même parce que c'est encore un remake, mais c'est un excellent jeu et les retours sont quand même plutôt positifs, même si il y a certains sites comme pour pas les citer, Road to VR, qui les cassent, qui le cassent. On verra. D'accord. En tout cas, il y en a plusieurs de la rédaction qui seront sur le coup. Je pense qu'Herbie va pas être loin non plus. Donc on saura. Je suis pas sûr. Comme je dis, voilà. Alors, je vais attendre le retour de VR Player. petit exclu. Si ça va, j'achèterai le jeu. Je sais pas si, à mon avis, le test sera pas encore sorti au moment où tu sortiras l'émission. Mais ce qu'on va faire, c'est que chaque personne qui va tester Borderlands 2 VR va utiliser un personnage différent. Et moi, je vais par exemple utiliser Zero, qui est le sniper au sabre. Je sais que Spanx devrait utiliser Salvador. Il y aura plusieurs points de vue, tu veux dire. Voilà. Laurent va plutôt choisir Axton avec ses tourelles. Okami aimerait plutôt choisir la gonzesse pour des raisons qui m'échappent. Maya. Voilà. Cela ne nous regarde pas. Parce qu'elle a des super compétences. Vraiment sympa à jouer. Ça peut être très marrant de, avec une main de faire léviter un ennemi, c'est vrai, en VR. Donc voilà. Ça serait sympa, tu sais, que vous fassiez un montage comme ça, comme si le jeu était en coop, tu vois, ou vous êtes sur la même partie du jeu. Un truc un peu mindfuck pour les gens qui ne peuvent rien comprendre. Et là, tu t'avances trop, say. Ouais. Ah, d'accord. Je vais peut-être couper alors ça. Mais oui, c'est le but, c'est le but. Avoir des avis différents parce que Borderlands c'est peut-être 50-60 heures en tout, mais finalement si tu veux refaire le jeu avec les 4 persos ça reste très long. Quatre. D'accord. Bah, ça peut être intéressant quand même pour 50€, du coup ouais, ça va avoir. J'attends quelques images et je verrai. Ça roule. Tu vas le prendre, Herbie, c'est sûr. Ouais, ça donne envie. Allez, les petits loulous, on va avancer un petit peu parce que je pense qu'on est à peu près à 6 heures de podcast là. les jeux en plat. Herbie, tu joues à quoi en plat? Alors, je joue à quoi en plat? Je joue dernièrement, j'ai joué à Spider-Man. Spider-Man qui est vraiment excellent. Spider-Man. Et, non, ouais, j'ai vraiment kiffé. Avec, moi, j'ai eu la chance d'avoir une télé 4K. Donc, c'est vrai qu'avec le HDR, c'est très très beau. Grosse aventure qui va durer. Plusieurs heures, hein, ça va durer, voilà, je sais pas, 30, 40, 50 heures, je me suis même pas rendu compte, tellement l'aventure est grande. On retrouve du Spider-Man. Alors, comme je vous disais en début d'émission, je faisais des solus étant jeune pour les magazines, et j'avais fait justement la solution de Spider-Man 1 sur PS1. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer, donc, celui-là? C'était très dur. J'avais kiffé de me battre contre le Rhino, l'homme sable, etc. C'était des phases sur PS1. J'adorais ce jeu aussi. Ouais. Bah, si t'as gardé le spécial Bible PlayStation avec Spider-Man, je suis dedans. Wow. Mais, voilà, donc du coup, de retrouver Spider-Man des années plus tard, 20 ans plus tard, sur PS4 Pro en HDR 4K, c'est juste magnifique. Quand tu te balances entre les immeubles, hein, puisque bien entendu, ça a bien évolué en 20 ans, où là tu te retrouves dans un espèce de, c'est pas un monde ouvert, mais c'est une grosse ville avec tes bâtiments, ils sont hyper grands. Si tu veux, tu peux être à 300 mètres de hauteur quand t'es dans des, bon, peut-être pas 300 mètres, mais 200 mètres le building le plus haut. Et puis quand tu fais une chute libre, t'arrives au niveau des piétons, bah voilà, ça te fait une bonne sensation. Tu te balades liane en liane, enfin de toile en toile plutôt. Excellente, t'as de multiples compétences. T'as de multiples gadgets à débloquer, t'as de multiples combinaisons avec différents pouvoirs à débloquer. Voilà, c'est énorme, c'est très complet. Il n'y a pas un seul bug. Voilà, c'est Insomniac Game qui a fait ce jeu, si je me trompe pas. Ouais. Pas un seul bug dans le jeu. C'est du très très gros travail. Ça vaut son prix, hein. C'est 60-70€ le jeu. Il a plusieurs DLC. Promo, hein. Il est en promo en ce moment, ouais. On peut le trouver à même 30-35 euros en ce moment avec les fêtes de Noël. Mmh. Je le conseille. J'ai du mal à jouer à des jeux en version plat. Et là, je le kiffe. Quand il est sorti il y a à peu près un mois, je dirais. Et en fait, si tu veux, un mois et demi. Et en fait, tous les 15 jours, il y a un DLC qui sort. Mmh. Je me rappelle plus du nom du DLC. Mais bref, c'est une aventure qui se rajoute avec des nouvelles missions, une suite d'aventures dans ton scénario original. Et du coup, bah voilà, toutes les deux semaines, je retrouve un peu Spider-Man et je m'éclate à fond dessus. Ouais, c'est un peu Arkham City avec une skin de Spider-Man, quoi. Je connais pas Arkham City, j'ai pas testé. C'est le point troll, hein. Ouais, j'imagine. C'est exactement ça, en fait. Ça, moi, je sais pas, c'est ce que tu lis dans les forums en général, donc d'accord, même il a en tout cas super joli, super sympa, long, bien calibré, bien foutu. Gros scénario, plein de défis, plein de choses. Et puis, fan de service, hein. Fan de service à donf. Hein. Plein de QTE, plein de QTE, non ? Plein de QTE, c'est-à-dire ? De phase où tu appuies sur X, event. Croix, rond, carré. C'est la seule chose que j'aime. Ah non, un petit peu, pas plein, un petit peu. Dans certaines phases, oui. Dans certains défis, effectivement, par exemple, Spider-Man est appelé à la rescousse puisque t'as par exemple un braquage, les mecs, les ennemis se barrent en bagnole. T'arrives sur la bagnole, tu vires les ennemis de la bagnole et puis effectivement, pour arrêter la voiture, tu dois appuyer rapidement sur carré. Mais non, c'est vraiment que de temps en temps dans certains défis, sinon il va falloir vraiment, vraiment contrôler ton Spider-Man, enfin ton personnage, pour se battre, parce que s'il y a plusieurs niveaux de difficulté, et quand tu joues dans la difficulté de le plus dur, c'est très, très difficile, et il faut vraiment connaître son personnage pour y arriver. Je troll, hein, parce que je pense que c'est un excellent jeu, j'y jouerai plus moi l'année prochaine, parce que quand t'as God of War, Red Dead Redemption 2, Spider-Man en plus, tu peux pas quoi. Bah ça va, on a du boulot hein, au bout d'un moment. Ouais. En plus, les jeux PS VR quand même. Après, c'est des styles de jeux quand même différents. Spider-Man, pour moi, franchement, c'est plus, plus action comparé à Red Dead Redemption 2. Où, ouais, mais. Plus... Ouais, c'est deux mondes différents. Mais c'est long quoi, c'est un grand jeu. Ah ouais, ça reste des très gros jeux. Ouais. Ok, très bien. Et donc, du coup, maintenant, on va passer au jeu de Sébastien. Dis-nous à quoi tu joues. Alors, ben moi, je ne vais pas citer un jeu, je vais citer une démo d'un jeu qui va sortir pas tout de suite, en fait. En tout cas, pas par chez nous tout de suite, mais l'année prochaine, normalement. C'est une démo que j'ai faite sur le store japonais. C'est la démo de Judge Eyes, qui est en fait la nouvelle création des créateurs de Yakuza. Édité D'accord. par Sega et qui va s'appeler d'ailleurs Judgment en France, il va changer de nom parce qu'en fait j'adore ce style de jeu un peu à la Yakuza, voilà, genre d'aventure un peu arcade aussi qui font un peu penser à Shenmue sur Dreamcast, voilà, j'ai carrément, la petite nostalgie de ce genre de jeu. Ah, t'es un Shenmue fan toi aussi? Ouais, j'aime bien. J'aime, parfait, j'aime on est potes alors. Bon souvenir. Et du coup, voilà, j'ai fait cette petite démo et pour voir un peu à quoi ressemblerait, parce qu'ils avaient fait Ken le Survivant aussi. Ouais. Après le Yakuza 7. Pas top. Moi, j'ai fait la démo, j'ai bien aimé, mais parce que bon, j'aime bien. Enfin, c'est des mangas que je lisais quand j'étais plus jeune, Ken le Survivant et tout ça. Donc. Mais non, j'ai bien aimé, et puis voilà, il va être gore par chez nous, donc c'est encore mieux. Mais, un peu de violence ne fait pas de mal. Exactement. Virtuel, bien sûr. Oui, bien et sûr. Donc, Judge Eyes, ouais, donc c'est... Bah, pour le coup, on n'est pas dépaysé, parce que ça fait un peu comme Yakuza, on se retrouve dans la ville japonaise, il y a de la castagne au coin des rues, ça se présente vraiment de la même manière, sauf que là, cette fois-ci, on est un flic. En fait, on n'est pas un Yakuza. Et donc, on va un peu mener des enquêtes et tout ça, avec des phases de combat, des compétences à débloquer. C'est vraiment, vraiment très proche de Yakuza. Mais voilà, il va y avoir des petites phases aussi avec des drones, où tu vas essayer de chercher des choses. C'est ce petit côté agent en même temps... Il y a des petites courses poursuites, tout ça. C'est un peu plus high-tech. Ouais, ben en fait, la démo, on a le droit de faire tout le premier chapitre. C'est pour ça que je veux parler de la démo, en fait. C'est parce que c'est pas un truc qui dure 5 minutes. On a tout le premier chapitre qu'on peut faire. Donc, j'en ai eu pour, je sais plus, 2-3 heures, quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, c'est, même. C'est pas mal du tout. Et puis, t'as même une sorte de boss. C'est vraiment, vraiment cool. Enfin, moi, je l'attends, en tout cas, sur PS4 l'année prochaine en français. Enfin, ça m'étonnerait qu'il soit en français, mais il sera... Ça sera en anglais sous-titre voilà, anglais, quoi. Anglais sous-titre anglais, au moins, comme les Yakuza. Mmh. Si vous avez un compte japonais, vous pouvez essayer. Moi, j'ai réussi à la faire sans rien comprendre. Et c'était génial. Et c'était génial, quand même. J'ai réussi à comprendre un peu l'histoire par rapport aux cinématiques. Voilà, mais... D'accord. Bon, comme d'habitude, il y a toujours des tonnes de blabla dans ce genre de jeu, mais... Donc quand c'est en japonais, bon, ça, du coup, ça paraît un peu plus long parce qu'on comprend rien. Mais, bon, c'est joli. Mais voilà, non, franchement, c'est. Je tenais à en parler parce que j'aime bien ces gars depuis longtemps et j'aime bien ce type de jeu-là. Donc... Ok. C'est... Mais en tout cas, ça vient de loin, donc moi, c'est original, donc bien. Merci. Sébastien, bien. Sillion, tu joues à quoi en plat? Bah moi, je joue à rien en plat en ce moment. J'ai rien. À rien, mais à rien. Mais je vais aller loin aussi parce que bah j'ai déjà parlé. Je viens souvent à ton émission que j'adore, ça. Hein. Un peu trop souvent d'ailleurs. Tu commences à me saouler. Hein, Donc, mais je vais te remplacer, mon petit. Donc j'avais parlé de, j'ai parlé d'un vieux jeu, Tenchu. J'ai parlé de Hearthstone sur PC, j'ai parlé de Red Dead, donc 2, dont le mode online en bêta est disponible, que j'ai pas encore eu le temps d'essayer, parce que je préfère finir l'aventure solo tranquillement à mon rythme. Je vais reparler d'un vieux jeu, qui a été remaké, une licence forte, Final Fantasy X. Je conseille de refaire ce jeu. Je l'avais fait en version, c'était quoi, PS2, PS3, ouais, PS2, et je l'ai refait en version PS4 remake, HD. Et j'ai repris plaisir, et c'est rare hein, de se retaper un RPG et de reprendre du plaisir. J'avais retrouvé du plaisir sur Final Fantasy VII que j'avais refait aussi, mais en version donc pas HD, pas refaite, celle qui va sortir l'année prochaine, et qui est toujours d'ailleurs vachement profonde dans le gameplay. Final Fantasy X, il y a quand même des moments où c'est bien équilibré dans les combats. Et moi, je m'en fous de l'histoire. Hein, les Final Fantasy. Le système de combat était vraiment cool. Hein. Ouais, y a un moment quand tu arrives dans les donjons que tu peux refaire plusieurs fois, là ça devient intéressant. Et j'avais vraiment retrouvé du plaisir sur ce jeu, et même sur des phases de gameplay un petit peu externes comme le jeu de sport sous l'eau, toutes ces choses là, il y avait encore des choses intéressantes. Mais il y a toujours des quêtes débiles. Qui fonctionnent pas, qui sont évités, je sais plus combien, 101 éclairs, c'est ridicule. Mais voilà, j'ai un très bon souvenir de Final Fantasy X, et pour moi, en ayant quand même fait pas mal d'épisodes, je dirais presque, et je vais me taper des commentaires, que c'est le dernier bon épisode des Final Fantasy qui est sorti, hein. Parce que en solo, parce que le 13, il y a eu un choix de gameplay un peu greffé, je crois, qui n'a, à mon sens, pas fonctionné jusqu'au bout avec tu changes de job, etc. Bref, Final Fantasy X, très bon souvenir, ça vaut toujours le coup, il doit pas être cher, et grosse durée de vie et plein de choses à faire. Même si le héros est insupportable, voilà, je conseille toujours. Mais belle musique, jolie histoire, même si j'ai jamais rien compris à la fin, il y a des bonnes scènes dedans. J'ai beaucoup aimé aussi celui-là, sauf le quoi, c'est le Beats Ball, je crois, de mémoire, ça s'appelle. Voilà, ouais, c'est ça. Oh, mais quelle merde déjà. Ah non, excellent. J'ai horreur du foot, j'ai horreur des trucs comme en ça collectifs. En général, je déteste les jeux de ce style. Et au contraire, je trouvais que c'était génial parce qu'il y avait un côté stratégie qui était bien foutu. Il fallait bien choisir tes coéquipiers. Et là, quoi ? Ah, à toi, c'est quoi ton jeu flat ? Attends, je peux me permettre une petite parenthèse de François le Français ? Vas-y. C'est juste que tu dis que Final Fantasy X c'est un remake, mais c'est un remaster. Alors, bah, t'as raison. Que... Parce qu'un remake, c'est un jeu refait entièrement. Alors là, exactement. Il est juste remis en HD. C'est juste parce que j'étais énervé avec les Borderlands et les... et qui sont pas dans ils s'embrouillent. Qui sont aussi, mais c'est vrai. Qui sont aussi des remasters VR, en fait, et pas des remakes. C'est ça. Hein. Tout à fait. Tout à fait. C'était ma petite parenthèse, François le Français. D'accord. Merci. Et tu as bien merci raison. Bien. Et je peux t'insulter, au revoir. Sébastien. Oui, bien sûr. Si c'est cordial. Si c'est fait avec amour, hein, tu peux tout faire. Exactement. Espèce de rémois, va. Ça va, c'est soft. Je le vis bien. Et toi, c'est du coup, alors, en jeu plat, tu joues à quoi? Ah, moi, ça va être très rapide, hein, vu que j'ai beaucoup de boulot entre. Je joue pas. je joue pas, ou en tout cas, je joue toujours au même jeu. Tu fais des œufs sur plat, non? Tu joues sur Wii sur plat. Tu joues toujours sur Wii U? Ah, Sébastien, faut que tu te calmes, hein. Faut que tu fasses quelque chose. Non, je joue pas sur Wii U là. Je continue God of War. Je profite de plus en plus en fait, parce que c'est de plus en plus intéressant. La relation entre Atreus et Kratos et père-fils commence à être de plus en plus intéressante, et je me retrouve un petit peu. Moi, j'ai mon petit qui a pas encore le même âge, hein, mais. Cette espèce de relation un petit peu conflictuelle, tu vois, pousse un petit peu à bout. Tu te sens pour sa petite, reconnaît un peu dans Kratos ou... Ouais, mais en même temps, déjà, on se ressemble, on a à peu près la même force, le même charisme, donc forcément, il y a un truc qui se passe, voilà. T'as la barbichette ou... Exactement, je m'immerge dans le personnage totalement. Et non, franchement, alors que j'étais vraiment dubitatif au début du jeu, là, je commence à comprendre qu'il a gagné les Games Awards 2018. Il poutre vraiment. Ouais. Ouais. Bah écoute, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, quand la PS4 Pro God of War est sortie, je l'ai trouvé trop bien, je l'ai prise, j'avais donc le jeu, et en fait, quand j'ai joué au jeu, bah, j'ai eu du mal, j'ai commencé à jouer, c'était intéressant, et j'ai joué à peu près 2 heures, ouais, c'était le début, j'ai joué à peu près 2-3 heures, et je me suis arrêté, et j'ai tout T'as pas recommencé? Non. Ah d'accord. Bah franchement, ça commence à... Bah, donc ça c'est intéressant ce que tu dis, en fait, voilà, faut... Le début, je l'ai trouvé super chiant. Je me suis forcé et au bout de 3-4 heures à peu près, on va dire que le gameplay commence vraiment à s'élargir en même temps que la map. Et donc du coup là, ça devient vraiment intéressant avec des phases d'exploration et un côté vraiment RPG bien mis en avant. En plus de l'écriture qui moi me paraissait assez niaise au début, commence à être de plus en plus intéressante c'est intéressant ce que tu dis, du coup ça me redonne envie de le retester un peu plus profondément du coup, et ouais, ça doit être quand même finalement un bon jeu en version classique. Ouais, carrément. Bon voilà, moi je pense qu'on a bien fait le tour, en tout cas ça va être une grosse émission. Mais qui manquait terriblement de digression, mais bon. Ouais, non, mais c'est peut-être pas plus mal en fait. Je suis plutôt content. Donc voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. On remercie les tipeurs, on remercie les auditeurs, on remercie les viewers, on remercie les lecteurs, on remercie les haters aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. On remercie Nicolas Doucet qui a posté sur notre top 50. Oui, Nicolas Doucet, un gros merci de nous avoir relayé sur le top 50. Gros up à toi, Nicolas, merci. Un gros big up, et tu viens quand tu veux, évidemment. Tu es invité cordialement pour parler de VR avec nous, avec des passionnés. Merci Arby. Ben merci à vous. Cette émission. Merci à vous de m'avoir invité. Franchement, c'est sympa. Hein. Désolé si j'ai fait un peu de bruit à droite, à gauche ou quoi, ou qu'est-ce. C'était vraiment cool. Bon, on sait que tu fumes des roulés, hein, donc voilà, c'est très bien, hein, ça permet de... Il faut décompresser. Allez sur la chaîne. Merci à tous. De PSVR. Allez. Solus PSVR. Solus PSVR sur YouTube, et puis si vous voulez participer à des tournois, bah, PlayStationVRLeague.fr. Si vous êtes bloqué dans un jeu, allez jeter un œil, vous allez tout de suite trouver. Il y a pas mal de Solus, peut-être pas tout, mais pas mal de Solus. Merci en tout cas à vous, vraiment cool, merci VRPlayer. Tu reviens quand tu veux. Vraiment, pas de soucis. En plus, t'habites à côté, donc c'est très très bien. Mm-hmm. Donc voilà, merci Cilion, merci Sébastien. Mais c'est un plaisir. Mais bah, tiens, foutre. Hein. Merci tout le monde, et je vous aime aussi. Voilà. Merci Saïd, merci à tous. Allez, à bientôt, ciao. Ciao, bye bye, merci. À bientôt.